Bonjour à tous et bienvenue pour ce 39e épisode de l'Another Podcast. Aujourd'hui, nous sommes quatre pour animer l'émission. Il y a moi-même, François, Reynold, Dominique et Laurent. C'est la nouvelle année, hein. D'ailleurs, bonne fête à tout le monde, meilleurs vœux. Et on va faire une prospective de tout ce qui va se passer dans l'année 2015, que ce soit au niveau du jeu vidéo, au niveau des films, au niveau des jeux de société, au niveau des séries, au niveau même des albums, hein, puisque nous, on est toujours très friands des albums découvertes. Et je vous propose tout de suite de commencer par le jeu vidéo, comme d'hab, hein, dans l'émission. J'ai une mauvaise nouvelle, mais je la garde pour tout à l'heure. Oui, il n'y aura pas d'extension Hearthstone. Si, il y en aura au moins deux ou trois, je pense. On ne parle plus d'Hearthstone. Est-ce que ça ne serait pas une bonne résolution de l'année 2015? Tout dur, à fait. Moi, je suis partant. Ne parlez plus d'Hearthstone. On s'est déjà chill dessus, là. Non. Mais on ne parle plus de Robocraft non plus, alors. Ouais, si tu veux. Et on se fâche avec plus personne. Il va pas, il va plus y avoir grand chose à parler. Bon. Alors, je vous propose de commencer par le jeu vidéo. Allez, on va éliminer tout de suite tous les petits jeux de console qui vont sortir en 2015. Pas trop. Alors, il y a quelques jeux de Nintendo qui vont sortir et des nouvelles licences. C'est vrai qu'on n'est pas habitué à des nouvelles licences de Nintendo. Ah bah oui, carrément. Oui. D'habitude, on a toujours de la sauce Mario. Des remakes. C'est comme la friterie, t'as plusieurs sauces. Là, c'est pareil. Mario, t'en as plusieurs. On devient meilleur en image d'année en année, je trouve. C'est des... Moi, j'ai la frite. C'est tournure de... Alors, on va parler de Splatoon, un jeu qui va sortir sur Wii U. Et c'est un jeu qui a un concept. Je pense qu'on avait fait quelques allusions dernièrement. C'est un concept qui a l'air assez sympa, où vous allez vous balader donc à plusieurs joueurs sur une petite carte, et le but, c'est de mettre de la peinture un peu partout. Ça existait déjà. Jamais dans vraiment un jeu. Je pense que c'était dans une sorte de mode pour Crash Bandicoot ou peut-être sur un autre jeu. Ouais, même sur PC, on avait joué un mode Quake 3 pour. Maintenant, tu vas m'expliquer qu'apporte la Wii U à ce jeu. J'avoue que le côté où. Est-ce qu'il faut vraiment bouger ou je ne sais pas. Bah, parce que je vois mal 3-4 joueurs devant la même télé en train de se. Il va y avoir des accidents. Bon, en fait, on avait déjà un peu parlé dans le sens où c'était un jeu multijoueur où tu incarnais une map avec deux équipes. Sur la map et le but c'était de colorer la map à ta couleur et là tu pouvais faire quand tu déplaçais ton personnage tu colorais ton normal voilà et en même temps tu pouvais aller fraguer les autres pour éviter qu'ils colorent la map de ton côté. Bon jeu de réflexion quoi. Ouais. Voilà. Le but c'était pas de tomber un peu épileptique parce que tu avais quand même pas mal de couleurs. Si tu avais 3 ou 4 équipes, si ça peut aller jusque-là, t'as des couleurs différentes et ça se chevauche, ça se mélange. C'est affolant quoi. Je pourrais sortir l'excuse que je suis daltonien, même si je perds. Ah mais je pensais avoir gagné moi. Non, bah, j'ai continué à tirer sur ma couleur. Je suis pas avec vous. Alors ça sera pas juste un jeu où on tire un bêtement, il y aura plusieurs actions, des actions spéciales, vous allez foutre de la bombe partout ou peut-être inverser les couleurs, j'en sais rien. Donc voilà, ça a l'air un jeu qui va être vraiment sympa pour ceux qui aiment la console et puis pour ceux qui veulent changer un peu du Mario. Je pense que ça peut être intéressant. Bah, c'est vrai que tu peux te demander si tu as des petites stratégies que tu pourrais mettre en place, comme aller rusher sur une partie de la map. Tu auras du e-sport. Du e-sport de couleur. Mais rusher une partie de la map pour aller colorer une zone en disant celle-là, de toute façon, on n'y va jamais parce que les confrontations se font au centre. Enfin, une sorte de petite stratégie possible. Mais je pense qu'il y aura beaucoup plus de frags qu'on ne pense. Mais qu'apporte la Wii U avec la tablette tactile? Ça, faut voir ce que ça donne. Quoi. Bon, ça sera sûrement sur plusieurs plateformes. Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on peut jouer sur la Wii ou sur Wii U, parce qu'il n'y a plus rien qui sort sur Wii. Je pense qu'il y aura une version 3DS aussi. Un autre jeu, et je pense que ça ira très vite, c'est le nouveau Zelda qui va sortir sur la Wii. Voilà, suivant. Voilà, c'est... Des nouveautés, on a un boomerang, on a des ennemis, on a une épée, on a des coffres, on a des nouvelles aventures. Bah, ça plaira toujours, c'est vrai que si on est fan de Zelda, inconditionnel, qu'on a joué à tous les jeux, même ceux qui étaient vraiment tout pourris, parce que oui, il y en a eu. Ah bah oui, forcément. Bon voilà, ça rend toujours un côté nostalgique et qui est sympa. Hein. Moi je dis pas, si y a un nouveau Quake qui sort, j'y rejouerai également. T'as même pas joué au 4 J'ai essayé. Ah voilà. T'aurais dû dire Elder Scrolls, je sais pas. C'est vrai. J'ai pas joué au 1. Ouais, enfin, il y a des limites non plus. En même temps, il était hyper buggé. Hein. Personne n'a joué au 1. Oui, mais ça fait partie du concept. Les développeurs ont pas joué. Bug Elder Troll, ça fait partie du concept. C'est son petit charme. Voilà. C'est comme God Simulator. Il a son charme aussi. Et donc voilà, apparemment, il y a beaucoup de rumeurs, de petites vidéos qui sortent. Et les joueurs qui aiment Zelda sont apparemment très enthousiasmés par le jeu. Mais un autre, moi, qui m'a marqué, qui va sortir sur Wii U et peut-être aussi sur d'autres plateformes telles que 3DS, c'est Mario Maker. Vous allez pouvoir faire vos propres levels de Mario. Oh, façon RPG Maker. Un peu, ouais, comme ça. Donc, tu vas pouvoir faire apparaître tes monstres un peu où tu veux. Un peu à la Little Big Planet, un jeu où c'était un jeu de plateforme et tu pouvais créer tes niveaux. Ouais. C'était sympa aussi, ça. Donc, voilà. Le 3 est en cours de sortie ou bientôt oui. Non, moi, je me souviens avoir passé, par exemple, des heures sur l'éditeur de Serious Sam. Normal. À faire apparaître des monstres n'importe où. Et... un truc improbable. Et oui. Infaisable, surtout. Ouais, c'était le but de Serious Sam, quoi. C'était le défouloir de service. Quoi. Mais en plus, avec les décors étaient quand même. Ils étaient vachement sympas sur Serious Sam. T'avais les pyramides et tout, ça jetait bien la gueule. Après, faire des nouveaux Mario, moi, je trouve ça sympa. Surtout qu'à mon avis, tu auras la possibilité de les partager avec d'autres gens, etc. Il y a déjà un mode qui avait été fait pour Wii. Alors, je ne sais pas si c'est officiel. Non, je vais parler avec délicatesse. On pouvait faire ces niveaux sur le Wii de Mario qui a été fait. Et c'est vrai que j'avais touché un peu. C'est pareil, c'est super prenant à faire. Et puis, à tester après avec les potes et puis les voir tomber dans tes petits pièges à la con, je trouve ça génial. Et puis, rechanger tous tes petits sons audio pour ajouter un peu d'humour, c'était marrant. Ouais. Tu peux faire des Mario thématiques. Un autre jeu, et bon, c'est un peu comme Zelda, hein, c'est la nouvelle licence de Final Fantasy. Final Fantasy, vous savez le numéro, tiens quiz. Alors, attends. Moi, je sais, le 14 est sorti, c'est le 15. Oh, le 15 ou le 14 et demi. Parce que le 14, il y a eu le 14-1, le 14-2. Le 14 est un Final Fantasy Online, comme le 11, je crois, oui, c'est ça, qui a eu un gros flop parce qu'ils ont fait deux versions tellement la première était pourrie. Pas les buggés, pas fini en fait. Alors, ce qu'ils comptent faire sur le 15, apparemment, c'est de travailler un mode plus ou moins MMO ou en tout cas multijoueur. Encore ? Waouh ! Alors, ça, c'est pas été dit officiellement. J'attends toujours le multijoueur sur Terra Battle. Bonne nouvelle. Il pourrait intégrer Terra Battle dans le Final Fantasy. Parce que ça reste un jeu de cartes. Absolument. Enfin, presque comme un jeu de cartes. C'est pas un jeu de cartes, mais ça reste un peu pareil. Faut que j'enchaîne, c'est ça oui. On attend. Allez. Donc, je parle pas des Final Fantasy mobiles qui sortent, puisqu'il y en a, c'est y a des plusieurs adaptations. À chaque fois, il y en a de plus en plus. Mais voilà, selon une offre d'emploi qui a été postée sur le site de Square Enix, on estime qu'il y aura un mode multijoueur. C'est basé sur ça, hein, donc je m'avance pas trop non plus. On cherche des gens spécialisés dans les MMO. Pour rester sur le sujet, Terra Battle, alors c'est pas un RPG non plus, même si tu as toute une notion d'histoire, d'aventure et de progression. J'attends de voir un vrai jeu sur tablette, ou en téléphone, ou peu importe, qui soit un vrai RPG, mais qui exploite vraiment le côté tactile de la tablette, et pas simplement les adaptations des Final Fantasy. Voilà, où t'as une sorte d'imprime en transparent avec voilà, les touches. Voilà, où t'as les touches, etc. Du coup, tu vois la moitié de ton écran, parce que t'as ton pouce qui prend la moitié. Ou la console, ou la tablette n'est qu'un simple émulateur, comme tu pourrais l'avoir, pour jouer à la console. Non, j'attends de voir un vrai RPG complet, avec des personnages qui se déplacent, et qui font des quêtes et compagnie. Bah, c'est vrai qu'il y a un gros problème à ce niveau-là, et surtout quand ils ressentent, par exemple, les licences de Final Fantasy, c'est que nous on a déjà installé des émulateurs, rejoué à certaines de ces licences, et quand ils ressortent la même chose, tu te fais c'est quoi l'intérêt? C'était même mieux sur l'émulateur. Ouais. Il y a d'ailleurs le Baldur's Gate 2 qui a été ressorti sur mobile. Pas testé, mais Reynald, si t'avais un beau téléphone, un grand téléphone, parce qu'il faut quand même. En fait, je me dis qu'à part pouvoir y jouer n'importe où, parce que le PC, tu dois être chez toi, ou sortir ton PC portable, c'est galère, mais à part y jouer partout, je vois pas l'intérêt de sortir ce type de jeu. Quoi. Ouais, c'est ce que tu dis, puis en fait, tu dis, voilà, au pire, tu l'achètes, tu le testes, puis tu t'aperçois que tu préfères à la limite un petit jeu qui est peut-être moins intéressant, mais qui est vraiment adapté, ou plus original. Confort, quoi. Tu perds le confort de jeu que t'as chez toi, ou quand tu jouais à cette époque-là, et puis tu l'as déjà joué, alors c'est pas très différent. Pour moi, la meilleure adaptabilité qui est possible, c'est que à tout moment, tu coupes l'application, elle sauvegarde et tu le relances et l'appli se ferme. Elle reste pas dans la tournée derrière. Parce qu'il y a plein de jeux où tu joues tranquillement sur ton mobile et tout d'un coup on t'appelle et là tu deviens blanc parce que tu sais que tout ce que tu viens de faire c'est foutu. Non. Ah non, si, il y en a. Faut... Oui. Non, on attend de voir des vrais RPG adaptés vraiment aux plateformes mobiles, enfin tactiles, téléphone. À voir, mais je pense qu'ils travaillent un peu là-dessus. Oui. C'est pour ça que Terra Battle existe, par exemple. Mm-hmm. Ils auraient pu ressortir le Final Fantasy VIII, qui doit être déjà présent, je ne vais pas trop m'avancer. Allez, c'est... on va passer maintenant. Est-ce qu'il nous reste un peu de temps d'ailleurs? Ouais. Est-ce qu'on va passer au jeu PC? Ouais. Bon voilà, les prochaines 50 minutes de l'émission. Alors attends, laisse-moi deviner. Laisse-moi deviner. Call of Duty. Il y a combien de Call of Duty qui vont sortir cette année? Deux normalement. White Ops. Ah non, mais j'allais commencer par des bons jeux. On passe tout de suite au jeu pourri. Non, non. Bah, Counter Strike. J'allais parler de Evolve. Ah. Evolve. Alors, c'est le jeu qui a été repoussé hein, une paire de fois et qui va sortir finalement le 10 février 2015. Je croise les doigts que la date ne change pas dans 2-3 jours. Apparemment, ils avaient besoin de temps supplémentaire pour que le résultat soit vraiment optimal. Oui, bien sûr. J'ai déjà entendu ça quand cette Diablo est sorti. Pour plein de jeux. Pour plein de jeux. Pas vous. Ou sur l'album de Michel Polnareff. Par exemple. Alors, ça va être un FPS, si je me trompe? C'est particulier, en fait. Alors, si on parle bien du même jeu, tu as une équipe de 4 joueurs. Tout à fait. Avec chacun des personnages attribués, un gros build en général, un qui est plus spécialisé soins, etc. Enfin, bon, une petite équipe qui se retrouve sur une espèce d'île à la recherche d'un monstre. Et bien sûr, c'est un joueur qui va jouer le monstre, qui a ses propres capacités, qui évolue. Et le but, voilà, c'est le monstre. Le but, c'est de tuer les autres, et les autres doivent capturer le monstre. Mais c'est vraiment. Enfin, j'ai vu quelques images du gameplay. On voit les gars jouer le monstre et tout, qui commencent à se builder comme un fou, donc à récupérer des compétences, à devenir plus fort. Exactement. C'est une espèce de monstre qui évolue, quoi. Quand il mange une créature qu'il rencontre dans la nature, il prend une partie de ses capacités, il devient de plus en plus fort. Donc il doit vraiment s'adapter. Il peut être furtif, il ne doit pas se faire repérer par les joueurs. Donc c'est vraiment quelque chose. Et à chaque manche. Les rôles changent, c'est-à-dire qu'un joueur qui était un soldat, on va dire, avant, devient monstre, etc. Et c'est vraiment très tactique, quoi. Combien de temps dure une partie, ouais, on sait pas. Ça dépend des joueurs. Non, je sais pas, s'il y a une limite de temps. Mais c'est une course, en fait, d'une certaine façon, parce que si le monstre, tu lui laisses le temps de se fortifier... Exactement, il faut le trouver. Donc il peut faire semblant de faire du bruit à un endroit, puis se déplacer très vite pour un autre, pour attraper un des joueurs, etc., et qui sont de moins en moins... Ça fait un petit peu... Il y a un côté prédateur, si tu veux, par rapport à... Il y a un côté coopératif entre les joueurs, mais en même temps... Il faut vraiment connaître son rôle, etc., parce qu'ils sont puissants quand même, mais... donc il faut bien connaître le rôle, et ça m'a fait penser à Predator quand la première fois que j'ai entendu parler du jeu. Donc ça a l'air vraiment sympa. Alors, un des jeux qui fait le buzz. Enfin, ouais. Ça se joue sur internet, donc c'est 5 joueurs minimum, enfin maximum. Ouais, à mon avis, ça sera sur Steam, comme certains. Pouvoir jouer en LAN. J'aime bien ce genre de j'aime bien ce genre de concept où c'est vraiment les personnages sont figés, tout est attribué à l'avance, quoi. Mais par contre, est-ce que les personnages peuvent évoluer entre eux? Mais non. Parce qu'ils seront fixés. Voilà, tourne. Tu as le médic, tu as le gros avec la mitrailleuse, on va dire, ou je ne sais quoi, et les rôles sont fixés. Ouais, donc le tank. Peut-être que tu peux choisir, peut-être que c'est attribué au hasard. Ça dépend, à part si les maps changent, le jeu sera grosso modo le même. Il y a peut-être plusieurs cartes, mais en gros, tu es sur une île quoi, avec il y a des montres et alors. Faudra voir. Laurent, tu viens de dire un truc là, il y a 2 minutes, tu as dit ça ne pourra pas jouer en LAN. Ouais. C'est quand la dernière fois que t'as fait un LAN? C'est vrai que ça date. Il y a 10 jours. Bravo. À 5 joueurs. Pas à 5 joueurs, joueurs. C'est frustrant, tous les jeux qui sortent en ce moment, c'est impossible de jouer offline. Sincèrement, c'est... Sauf si tu joues peut-être solo, non? Mais que tu joues solo. Il y a même des pas, jeux solo où tu es obligé d'être connecté à internet. Mais c'est débile. Ça, c'est Laurent Antillac à la con. Bah oui, mais bon, il y a un moment où soit tu choisis de faire un jeu correct qui fait plaisir aux joueurs, soit tu fais un truc pour ton pognon, et puis voilà quoi. Et c'est désolant de voir que les jeux, maintenant, c'est internet pour pas qu'on se fasse pirater, comme ça les gens ils jouent pas ensemble en LAN. Et c'est pour ça qu'on ne parlera pas de GTA V. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve juste après. Vous êtes toujours sur la radio Bellafonte dans le Another Podcast. On continue ce 39e épisode. On était en train de regarder tout ce qui allait un peu venir, ce que l'on attend, plus ou moins. Plus ou moins. Surtout moins, des ou fois. Pas. Allez, on va faire une petite parenthèse album, puisqu'il y a plein d'albums qui vont sortir en 2015. Et je ne sais pas si vous suivez un peu ce qui se passe sur Internet, mais il y a des artistes vraiment pas contents. Et c'est le cas de Madonna. Quoi ? Elle est encore en vie ? Eh oui, elle est encore en vie. Alors, elle va sortir un nouvel album, ça, petit quiz. Le numéro de ce nouvel opus, le 18. Non, c'est le 13, le 13e album. Et comme quoi, le chiffre 13 porte malheur. L'album a déjà fuité alors qu'il va sortir en mars. le 10 mars, normalement. Il y aura 19 pistes et 6 chansons sont, en tout cas la démo, ont déjà été publiées sur Internet. Et Madonna, elle n'est pas contente. C'est dommage. Donc, elle a quand même réuni plusieurs artistes hein, sur le projet. Elle a réuni, par exemple, Alicia Keys, Avicii, Kanye West. Ils ne savent plus chanter tout seul, c'est triste. Hein. C'est pour amener du public jeune, hein. Le public qui s'intéresse pas à Madonna, au moins, il y a... Ah tiens, il y a un tel qui chante là-dedans. C'est parce que c'est vrai qu'un jeune qui dit « J'écoute le même truc que ma mère », ça... ça le fait pas trop, non? Donc, son dernier disque, c'était en 2012. Bah, je vous propose d'écouter peut-être... Une musique cafutée. Une musique cafutée. Alors, Madonna précise bien qu'il ne faut pas écouter ses nouvelles chansons. Donc, veuillez boucher vos oreilles pendant qu'on écoute. Merci pas, de changer de radio. C'est le principe de l'album découvert, c'est qu'on n'écoute pas, hein. Alors pourquoi elle dit qu'il faut pas écouter son album? Parce que c'est une démo. Ah oui. Une version de travail. Ouais. Elle a pas encore déposé tous les morceaux à la SACEM. Voilà, elle va rajouter quelques enregistrements, à mon avis un petit son de kazoo derrière. Voilà, il y a pas de, on m'a dit trop là-dessus. Ou alors elle a pas encore chanté, c'est une voix synthétique. Donc, notre président risque d'avoir des problèmes parce que je pense que c'est illégal d'écouter ça. On n'écoute pas. J'ai rien écouté. Il y a quelque chose qui passe là. Donc l'album s'appellera Rebel Heart. Cœur de rebelle. La chanson s'appelle Living for Love. C'est pas cliché du tout. Mais... Alors c'est marrant, hein. elle a cité sur son Twitter s'être sentie violée par les hackers. Elle trouve ça une atteinte vraiment grave à sa personnalité. Les hackers vont porter plainte en retour. Elle trouve que hacker ces genres de musique, c'est aller contre les artistes et leur création artistique. C'est quand même une démo qui est travaillée. Enfin, je dis pas que c'est bien, mais je dis que ça pourrait être final. Hein. C'est plus finalisé que d'autres morceaux de d'autres artistes, tu veux dire ? On a déjà passé. Ouais. Et elle a de la chance, c'est pas sa voix sans l'autotune. Hein. C'est quand même modifié. Hein. On aurait pu avoir la version avec sa vraie voix. Ah merde, je la veux. D'ailleurs, il y avait la chanson de Mariah Carey, là, Christmas. Elle a chanté en 2014 sans l'autotune. Oh. C'est vachement sympa. Bon, je vous propose. On peut enchaîner. Le Rénal, je vois qu'il aimait bien. Là. Il est très bossé et tout. On va continuer de parler jeux vidéo et on adore parler de Blizzard. C'est vrai. Et il y a deux nouvelles licences de Blizzard qui arrivent, c'est Overwatch et Heroes of the Storm. Ouais. Alors, je sais que certaines personnes ont déjà l'occasion de tester en bêta privée. La bêta... Elle n'est pas ouverte ? En mi-janvier, dans une dizaine de jours, normalement. Heroes of the Storm, bêta ouverte. Donc, c'est le MOBA de Blizzard. De Blizzard. Blizzard, voilà. C'est le League of Legends de Blizzard, quoi. À voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont réussir à égaler la qualité ? Parce que League of Legends a quand même bien un niveau assez élevé. Hein. C'est un petit peu suffisamment de différence, je pense, pour accrocher les gens. Mais... J'espère qu'ils vont pas reset tous les persos. ça veut dire j'ai joué un petit bout de temps quand même. Bon, ça va. Et Heroes of the Storm, et Overwatch qui sera une sorte de FPS à la Blizzard. Quake-like par Blizzard. Donc avec des arcs. Ouais, j'en ai vu, ça fait très Team Fortress. Bon, ça marche le Team Fortress. Nous, on avait joué à Battlefield Heroes, par exemple. C'est vrai que c'était vraiment sympa. On avait testé un peu, comment ça s'appelait le jeu dont on avait parlé dans Loadout, et voilà. Où tu pouvais fabriquer tes propres armes. Voilà. C'est vrai que j'avais accroché à le jeu quand il est sorti. Sur la durée, il n'a pas tenu. J'ai pas eu envie d'y retourner. J'avais testé un peu les nouveautés armes. C'est dommage que sur la durée, il tienne pas. Après, il faudrait peut-être y jouer. Est-ce que c'était encore en bêta ? Je sais plus, peut-être en free to play. C'est compliqué maintenant, on t'y perd un peu dans tous les modèles. Après, faut y jouer régulièrement avec des amis et là, oui, tu peux t'éclater, y a pas de problème. Vu que Blizzard a annulé son gros MMORPG, il se lance dans des petites licences et mine de rien, tant mieux, ça fera plus d'extensions pour. Pour ce qu'on ne doit pas dire. Pour ce qu'on ne doit pas dire. Allez, on va maintenant parler vite fait une petite parenthèse sur les suites de jeux qui sortent. Et il y en a une qui a quand même attiré mon attention, hein. C'est un numéro 2, donc ça va encore. C'est Blood Bowl 2. Blood Bowl 2. Le jeu qui va sortir, donc, qui reprend un peu les concepts du jeu de société Blood Bowl. Blood Bowl, excellent. Alors malheureusement, j'ai peur que ça ressemble vraiment au 1. Oui, parce que je vois pas trop l'intérêt de faire un 2. Enfin, parce que dans le 1, avec les extensions, tu avais déjà toutes les races. Ah ouais, t'en avais une vingtaine, ouais. Je trouve. Toutes les règles, je vois pas, je comprends pas. Puis il était déjà sorti sur pratiquement toutes les plateformes. À part une amélioration graphique éventuellement, mais ils auraient pu sortir un gros. Genre, à part des modes de jeu. Différents modes de jeu, des compétences en plus. Ouais. Ça peut être marrant. Mais bon, on ça va serait un peu dénaturer faire. Le jeu de plateau. On verra bien ce qu'ils nous sortent. Ça tombe, ils vont innover, ça sera bien. Mais c'est vrai que rien que le nom, tu retiens l'attention. Bah, tu attends. Le 1, j'avais quand même joué, surtout qu'ils avaient fait une version iPad, et en iPad, ça jouait correctement. C'était assez sympa. Malgré la petite arnaque de tu n'as que 4 races quand t'achètes le jeu, ce qui fait tout. Non, t'as que 2 races, t'as que les humains et les orques. Ça suffit. Et en tout, t'en as 6, quoi. Ouais. Du coup, le jeu devient répétitif, mais tout de suite, quoi. Au deuxième match, t'en as déjà marre, quoi. D'autres suites qui vont sortir. Il y a Batman Arkham Knight. Arkham Knight. Encore un jeu Batman. Ouais, c'était. Un par an maintenant. Ouais. Donc, voilà, est-ce qu'il y a besoin de préciser, hein. Ça sortira en juin 2015. Laisse-moi deviner, il est tout nu, torse au vent, sur la jaquette de la boîte. Maintenant, tu auras la Batmobile. Ouais. Waouh. Wow. Pour ceux qui aiment bien les RTS, il y aura Total War. Ah, donc Real Time Strategy, c'est les jeux de gestion où on gère plusieurs unités à la COSAC. Medieval Total War, Rome Total War, etc. Le plus connu, c'est Command & Conquer. Voilà, Command & Conquer, je cherche le mot. Donc Total War, c'est vraiment les batailles que tu fais un peu historiques, mais avec un nombre de troupes hallucinantes. Mm-hmm. Et c'est vrai que ceux qui aiment bien ce genre de jeu, généralement, aiment bien y jouer. Par contre, ça, la bécane... ça bouffe fort source, ouais, hein, pour le peu que j'ai vu. Tu as aussi le côté stratégie, dans le sens où tu as une carte où tu fais bouger des troupes à l'intérieur, il y a des événements, et c'est seulement quand des troupes se rencontrent où là tu fais une bataille. Donc ça, tu gères autant le côté stratégie, tactique de la bataille. À plusieurs niveaux, ouais. Voilà. Micromanagement et macro. Voilà. Et il faut que tu gères ta cité, est-ce que tu gères une civilisation complète des fois. Pour pas ne faire qu'une bataille, mais une bataille en fait c'est juste une décision que tu prends pour voir si ce que tu as décidé dans ta stratégie globale veut fonctionner. Donc c'est vraiment prenant au niveau campagne. Puis c'est chronophage mais à mort, quoi. On sent un peu d'expérience là-dedans. J'y ai un peu joué, ouais. Une autre suite, alors celle-là, peut-être qu'il faut l'attendre, c'est Metal Gear Solid le 5. Non, demain... Non, m'a répondu à la question. C'était des bons jeux, mais bon, si t'as pas joué depuis le 1. Il était pas super vieux déjà, le Hero de Metal. Justement, le 1 est quand même sorti. Hyper un peu, voilà. C'est comme l'Assassin's Creed, moi. Si tu ne joues pas régulièrement, tu n'arrives pas à suivre. Tu parles du personnage, en fait. Oui, bien sûr. Mais, je sais pas, j'ai l'impression que ça revient dans le temps, où il rajeunit. Et puis après, il y a son fils ou sa fille, je sais plus. Là. Ça s'arrête jamais. Là, je suis perdu. Ils peuvent refaire un remake du 1 un jour, hein. Ça passera. Ne leur donne pas d'idées comme ça. Sur tablette. Un reboot. Allez, encore une mini parenthèse sur The Witcher 3. Mais bon, j'ai joué au 1, j'ai regardé le 2. Et alors, le 1, j'avais vraiment adoré. Le 2, ça m'a vraiment embêté parce que quand tu commençais le 2, tu avais. Ton personnage était presque au niveau maximum avec tous les pouvoirs. Donc, c'était pas drôle. Et le 3. C'est un peu une histoire trop guidée, non ? J'avais tellement apprécié le 1, que son originalité, puis le gameplay, etc. On verra. Apparemment, le 3... Je fais confiance aux développeurs, ils sont pas mauvais, ils travaillent bien. Donc, le 3 réserve quelques surprises, donc à voir. Sortira sur PC, PS4, Xbox. Bon, malheureusement, pas que PC, hein. Alors pour ceux qui aiment les jeux de baston, il y aura les éternels Mortal Kombat et Street Fighter, etc. Normal. Voilà. Bah, Mortal Kombat, oui, non, ça fait longtemps que. Tu verras qu'en fin d'année, on a les PES et FIFA aussi. Ah oui, normal. Ouais, normal. Ouais. Et non, on parlera pas de GTA. Non. Voilà. Voilà. On parle que des jeux attendus. Bon, on pourrait commencer à parler d'un autre sujet alors. Alors, Dom, tu nous as sélectionné quelques films. Est-ce que tu as pris vraiment du global ou seulement ce qui est intéressant ? Ah, intéressant. Ce qui mérite l'attente. Attendu. Ouais. Dont on pourrait éventuellement parler, mais pas forcément en bien. D'accord, c'est un peu comme la sélection. Il y a beaucoup de choses. Mais après l'album découverte, on va faire le film découverte. C'est pas mal. Non, avec Dom, tu risques de passer une mauvaise soirée. Non, il y a des trucs sympas. Bon, il y a un peu de n'importe quoi. J'espère bien. Je ne les ai pas mis par ordre chronologique, hein, parce que c'est pas drôle. Les gros films attendus, ou pas, on pourra te dire du mal. Terminator Genesis, un nouveau Terminator, que même les fans de Terminator, ils se sont arrêtés aux deux en général. Donc, il y a toujours le vieux Arnold qui est dedans, il n'y a pas de problème. Alors, c'est une espèce de reboot du 1. On va revivre les événements du 1 avec d'autres acteurs, forcément, parce qu'ils sont un petit peu décatis. Mais il y a un petit twist. Avec le voyage dans le temps, tu peux faire des paradoxes temporels. Donc, si vous regardez l'abondance, vous allez vous amuser parce que vous revoyez les scènes du 1, si vous l'avez vu. Je l'avais vu au cinéma. Oui. Mais sauf qu'il se passe quelque chose. Il y a des événements qui se produisent parce que le voyage dans le temps, les films sur le voyage dans le temps sont toujours intéressants à ce niveau-là parce qu'il y a des gens qui reviennent dans le temps et donc qui interrompent les événements que tu connais. Donc c'est assez rigolo. C'est comme si les gens revisitaient le 1. L'intérêt est un peu limité, quoi. À part pour Arnold de payer ses impôts. Ben oui. Donc tu me dis avec des nouveaux acteurs, mais lui, il est toujours là. Ben oui. Bon, lui, il est intuable, lui. Ils auraient pu reprendre tout le monde. Tant qu'il sera encore en vie, en état de marché, ils feront des Terminators régulièrement. Donc c'est exactement le même scénario que le 1. John Connor envoie un Terminator, enfin quelqu'un dans le passé pour protéger sa mère. Et on a exactement les mêmes scènes d'action, la scène du camion. Enfin, ils s'en mettent pas, ils reprennent. Enfin, c'est un produit de licence. Je pense que ça peut être sympa de faire des petits clins d'œil comme ça sur un. Oui, mais n'allez pas le voir au cinéma. Faut pas leur donner envie d'en refaire des suivants. Tu veux quoi, acheter le DVD? Ça coûte plus cher. Qui travaille plutôt sur le. Qui reprennent la série qui était très très très bien, et puis au lieu de faire des films pourris. Enfin bon, voir Star Wars, est-ce que c'est besoin d'en parler? Star quoi? Ouais. Il va sortir, tu penses qu'il sortira en 2015? Théoriquement. Mickey, date prévue, date annoncée, 18 décembre. Réalisé par J.J. Abrams. On se situe où niveau histoire? Ça se passe. Alors, vu qu'on récupère. Alors, des nouveaux acteurs complètement inconnus. Et des anciens acteurs très connus. Enfin, je crains. Harrison Ford? Bah oui, ils ont pris tous les vieux. Tous les vieux des épisodes. Comment il s'appelait? Mark Hamill. Ouais. Il sera là? Il sera là. Ah, oh, mais c'est du lourd. Disney pour ça est bien. Le mot c'est du lourd, c'est exactement adapté à Mark Hamill. Il ne rentre plus dans son vaisseau. Hein. Il ressemble plus à R2-D2 qu'à Luke Skywalker. Mais bon, sujet. Donc on retrouve tous les anciens acteurs des épisodes 4, 5, 6. Harrison Ford, Mark Hamill, toute la bande, quoi. À part ceux qui sont morts, bien sûr. Quoique. Disney n'a peur de rien. On fait du Disney. On fait bien des concerts de Michael Jackson en hologramme. Les fans iront le voir de toute façon. Donc, épisode 7, le retour de la force. Wow. Ça nous fera peut-être des adaptations de jeux vidéo, hélas. On avait eu droit à une version 3D améliorée de la fameuse série Albator cette année ou l'année dernière. La même chose va se passer avec les Chevaliers du Zodiac. Ouais. Pour les fans, il y en a. La bande annonce. Moi j'ai du mal. Style asiatique ou américain? Non, asiatique, mais j'ai du mal avec les versions 3D trop belles, trop propres. C'est vrai que ça perd un peu du. Bon, le problème c'est que toucher à Senseiya, c'est. Il y aura toujours des fans qui sont tellement calés dans le sujet que le moindre petit pas de côté va faire râler une grosse masse. Après, il y aura les fans aveugles qui vont acheter parce qu'il est marqué les Chevaliers du Zodiac. Je vous propose de faire une petite pub et on continue de plonger vers ces films de 2015. À tout. Toujours sur la radio Bellafontaine dans la Nord Podcast. On continue cette émission. On est en train de parler des films qui vont sortir en 2015. Après, on parlera qu'on attend. Après, il y aura des séries, des jeux de société également. On va parler d'albums découvertes. D'ailleurs, faut pas les oublier. C'est très important. Très important. Et le quiz musical, s'il nous reste encore du temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme film qui, parlait de Star Wars, mérite l'attention? Je ne sais pas. Mais... Un film. Bon, je vais pas parler de suite, mais c'est le seul que je vais évoquer parce que bon, même moi j'avais plutôt bien, un film qui a plutôt bien marché, ça fait partie d'une trilogie, Le Labyrinthe, en anglais c'est Maze Runner, avec un les jeunes, film qui est sorti cette année, c'est ça exactement. Donc ils vont si c'est parti pour le même rythme, donc il y aura le 2 cette année et le 3 l'année prochaine. Alors, avec les mêmes acteurs, mêmes réalisateurs, etc. Alors j'ai vu le film, il y a un concept intéressant, il y a une histoire qui est pas mal. Mais je trouve que c'est tourné une sauce Hunger Games qui fait vite mal au ventre. En fait. Mais les jeunes acteurs sont pas trop énervants. Dans Hunger Games, j'ai envie de tous les flinguer, mais là, non, ça va encore. Tant bien, c'est le c'est vrai. Enfin, si, même ceux qui sont énervants meurent, donc ça va, c'est pas gênant. Hop, no spoil. Donc, et c'est vrai qu'on voit à la fin du film qu'il va y avoir une suite. Oui, j'imagine qu'à la fin de cette suite, il y aura, on imaginera qu'il y aura une suite. Et si, si ça a vraiment beau succès, si c'est une trilogie à la base, je suis sûr qu'à la fin du 3, ils trouveront bien un twist pour faire un quatrième. Ah, on verra bien. Mais non, pour faire l'arrivée de ceux qui sont arrivés dans le labyrinthe 2 ans avant. Des préquels, mais oui, ils sont très forts à ce niveau-là. Mais j'ai un peu peur. Et une série télé. Donc voilà, cette histoire d'en parler. Nouvelle Avenger, non, parce que si on se lance dans tous les films de super-héros qui vont sortir, on a le planning des Marvel et compagnie, DC Comics, jusqu'à 2030 au moins au niveau cinéma. Donc vous trouvez ça sur internet, on va pas s'embêter. Alors, un film attendu dont on va pouvoir parler. Ça c'est fait. Non mais il y en a trop, on peut pas faire les films. Ou on fera un sujet spécialement sur les films de super-héros. Moi ça va, je suis pas très fan de Marvel. Donc, Jurassic World. Ah. Avec notre Omar Sy National. Oh non. International Friends maintenant. Mais non. J'adore parce que... S'il joue un dinosaure, je veux bien. Je ne sais pas. Qui se déguise. Je ne sais pas parce que j'ai vu la bande-annonce teaser. On ne le voit pas dedans. Alors déjà dans Marvel, dans l'ancien X-Men, où il était. On voyait son rôle dans la bande-annonce, c'était l'intégralité pratiquement de son rôle dans le film. Là, on ne le voit pas dans le film. Donc, quel suspense! Vivement la prochaine bande-annonce où. Il fait ses petits pas. On va aller voir au cinéma pour voir des non-films de Omar Sy. Non, mais dès qu'il y a un gars en chaise roulante, ils prennent Omar Sy. Ils sont habitués avec. C'est ce qui s'est passé dans Marvel. Hein. Non, Jurassic World, donc c'est juste un reboot de Jurassic Park, en fait. Tout simplement. Avec des nouveaux effets spéciaux. Enfin. Alors, c'est vrai que moi, je peux encore regarder les trois Jurassic Park. C'est une des seules licences où je peux regarder la trilogie et je me dis, ça passe encore. Bon, c'est pas le premier avec quand même son charme, etc. Donc, je peux pas m'empêcher d'attendre le 4, mine de rien. Ouais, on va voir. Le trailer est assez réduit, assez court pour que ça donne envie, je sais pas. Après, si tu me dis que les acteurs vont être à 2 balles... Je ne sais pas. Excuse-moi, mais quand t'es américain, tu prends pas Omar Sy pour son jeu. Tu le prends parce que tu sais que tu vas attirer des gens qui connaissent Omar Sy en France. Est-ce qu'ils vont embaucher un Italien qui est connu aussi? S'il a un bon agent. Ou s'il a de la famille dans la mafia, peut-être. Et oui, je sais pas. Faut pas grand-chose. Un autre reboot. Mad Max, il y avait eu 3 Mad Max, enfin, bon 3, les puristes, non 4, non je crois pas, le 3 déjà les gens ont oublié, le 1 et le 2 c'est encore à peu près potable, là c'est un reboot pur, j'ai vu la bonne annonce, c'est un reboot pur, et le pire c'est que c'est le même réalisateur, George Miller, qui avait réalisé le premier Mad Max, alors bien sûr ils ont pas pris le même acteur parce que là il peut plus, donc, quand tu ils ont pris un clone, c'est Tom Hardy, très bon acteur, mais visuellement c'est exactement le même. Enfin, t'as l'impression de revoir. Du coup, j'oublie le nom du premier acteur, c'est marrant. Mel Gibson. Bah oui, Mel Gibson, évidemment. Oh là là, c'était un quiz avant le quiz. C'est, visuellement, ils lui ont refait le même look. Enfin, le même look. J'avais l'impression, à part quand on zoome sur son visage, j'avais l'impression de voir Mel Gibson dans le 1, quoi. Et c'est exactement le même film. C'est comme si George Miller s'était dit hey, maintenant que j'ai des super ordinateurs que j'avais pas à l'époque et je devais faire des maquettes en plastique et compagnie. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais refaire mon film comme si j'avais le fait avec les moyens de maintenant, et c'est ça. T'as des voitures qui volent, des super effets spéciaux, des explosions partout, à la Michael Bay. Je vois pas l'intérêt. Non, en fait, tu viens d'avoir un Need for Speed Mad Max, quoi. Mais c'est pas le seul qui a fait ça. Hein. Non, mais à part, il se dit, bon, il y a des gens qui sont nés entre. Enfin, peut-être les enfants, voire les petits-enfants de ceux qui ont vu mon film dans les années 80-70, ils vont peut-être retourner au cinéma, racheter les Blu-ray et compagnie. Je vois. Enfin, c'est le seul intérêt que je vois, quoi. Le gars, il se fait plaisir, avec les moyens qu'il a maintenant, les nouvelles caméras, les nouveaux ordinateurs, à refaire son film comme il aurait voulu le faire. Je suis sûr que dans 30 ans, il va le refaire, s'il a encore envie. C'est pratiquement ça, quoi. Ça peut intéresser. On ressort bien des versions DVD, des versions Blu-ray, des versions 4K de films de la grande vadrouille. Quoi, lui, il aurait pas droit à refaire son film? On change d'ambiance. Ça me choque pas trop. Bob l'éponge de film? Ils l'ont fait. Enfin, ils vont le faire, il va sortir. Sorti en février. C'est un animé ou pas? Non, c'est une vraie éponge. Oui. Non. Pourquoi pas? C'est une vraie éponge. C'est Omar Sy en éponge. Omar Sy. En fait, c'est un porno, tu vois. Pourquoi pas? Omar Sy en bonne éponge, pourquoi pas? On va rester un peu dans les dessins animés. Maya l'abeille, la grande aventure de Maya l'abeille. Voilà, pour les nostalgiques, je le signale, c'est tout, quoi. Du coup, encore un animé imprécise. Voilà. Oui. Non, c'est pas une vraie abeille. Parce que Omar Sy en abeille, non. Il serait capable, mais non. L'éponge qui butine Maya l'abeille. Très bien. Est-ce que tu vois Omar Sy qui jouerait l'agent 47 de James Bond? Non, agent 47, enfin. L'agent 47. C'est pas une BD, ça? Non, c'est l'agent 47. Alors, les fans, les geeks, les joueurs de jeux vidéo, c'est qui l'agent 47? Ah, mais l'agent 47, c'est le chauve. C'est Hitman. Hitman, oui. Hitman, le film. Ah, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, pas Omar Sy, non. Pourtant, il est chauve. Est-ce que ça peut être aussi débile que les jeux vidéo, avoir des situations qui sont complètement cons? Si, c'est en... bien fait. Je me suis déguisé en cousin. Il y a des gens qui, comme acteur c'est un acteur que tu connais peut-être pas. Les gens qui connaissent la série Homeland, dans la série Homeland, il y a un agent Quinn, qui est une espèce de tueur à gages. Enfin, de tueur à gages, c'est un agent de la CIA, qui est un peu un homme d'action, qui, voilà, un flingueur. Hein. Et c'est lui qui... Alors, il y a déjà polémique parce qu'il colle pas... Physiquement, il colle pas du tout. Il est plutôt petit, enfin, plutôt maigre. Il colle pas du tout. J'adore cet acteur. C'est un acteur anglais, très très bon. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Mais non, c'est pas un acteur connu du tout. J'aurais bien aimé le gars de The Shield, mais je pense qu'il est trop baraque. Il est trop gros. Et puis, trop vieux. C'est Mark Hamill, pourquoi tant qu'il y est. On parle de série. Alors, pour ceux qui ont vu la série Entourage, très très bonne série. Vin Diesel. Hein ? Ils vont pas prendre Vin Diesel pour faire Agent 47. Il est un peu, hein, il est un peu trop baraqué, peut-être. Bon. Ouais, désolé, spécial. Je t'ai coupé, mais pardon. Il y avait déjà eu un film, Hitman, avec je ne sais plus qui, mais qui ressemblait déjà, mais bon, là, ils en font un, pourquoi pas. Donc, Entourage, la série, excellente série en 8 saisons, qui a toujours terminé trop vite pour ses fans, et adaptée au cinéma, avec déjà une suite prévue. Donc voilà, ça fait pour faire plaisir aux gens qui adorent cette série, avec les mêmes acteurs, forcément. Pixels, une espèce de comédie de Chris Columbus. Le pitch, bon, c'est un sujet qui avait déjà abordé dans South Park, non, dans Futurama. En gros, vous imaginez New York qui est attaqué par des extraterrestres, des monstres des jeux vidéo des années 80. Ça serait pas un film qui était en Kickstarter là-bas ? Impossible. Donc voilà, ça s'appelle Pixels, avec quelques acteurs connus, y compris Peter Dinklage. Peter Dinklage ? Non, vas-y. Game of Thrones, petit ? Le nain, quoi. Voilà. Tyrion, on le voit partout, on le voit dans les X-Men, on le voit partout, ce pauvre garçon. Ouais, ouais, c'est voilà. Le phénomène Omar Sy. Il peut pas jouer l'agent 47 encore. Il pourrait jouer Bob l'éponge. Mais non. C'est déjà Omar Sy qui l'a fait. Peut-être qu'il pourrait jouer Mayov. Ils appellent des experts en jeux vidéo pour lutter contre. Ils sont recrutés par l'armée pour combattre des personnages de jeux vidéo des années 80 qui attaquent New York. À la Space Invader. Voilà. En fait, il y avait eu déjà un court-métrage réalisé par un réalisateur. Dans ce genre, voilà. Donc c'est bien ça que ils j'ai ont vu. Pris, ils ont pris ce concept, ils ont pris le court-métrage, ils en font un long-métrage, quoi. C'est un peu abusé, pourquoi quand pas, même. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Les histoires d'amour au milieu. Les immeubles sont en Tetris et tout. Et on va terminer en beauté. Alors là, c'est Rénal, je vais avoir besoin de toi, de tes compétences en imitation. Je suis portant. Une meilleure veilleuse, histoire du temps. Sortie 21 janvier 2015, prévu. L'histoire du jeune Stephen, étudiant en bio... J'étais pas loin. Voilà. Donc, en gros, la biographie de Stephen Hawking, dont on est tous fans. Je ne sais pas s'il y aura... on verra l'album avec Pink Floyd dans le film. Comment il a acheté son premier fauteuil roulant, la totale, quoi. Hein, je sais pas si ça va être très joyeux comme film, hein, ceci dit. Mais c'est positif, parce que quand ils ont diagnostiqué sa maladie, il faut savoir qu'il lui donnait 2 ans à vivre. Et c'était il y a 30-40 ans déjà. Donc, voilà. Alors, il y a un film que tu n'as pas parlé, ça sera le film Noob, parlant de films français. Mais on est parlé des films attendus. Bon, pour une fois que j'ai fait un projet Kickstarter, hein, j'en parle. Donc ça qui va sortir, et vu les fonds qui ont été ramassés en Kickstarter, il y aura même une trilogie. Ouais, je vais essayer de demander un jour quelqu'un intervienne dans l'émission. T'as pas parlé de la série Game of Thrones non plus, qui sort dans 4 mois bientôt ? Ah non, on n'est pas encore aux séries. On n'est pas encore aux séries, on n'a pas fait les films. On n'a pas passé aux séries, Spoil, pas c'était, encore, spoil. C'était des films qui passaient en série. On va pas en parler. Les séries qui passaient en film, je sais plus. Non, j'ai joué, c'était quelques films qui étaient adaptés de séries. Allez, je vous propose de faire un petit album découverte, une chanson découverte, puisque un grand artiste, un artiste international, c'est le cas de le dire, c'est Ricky Martin qui va sortir un album en 2015, en février. Et il y a déjà un single qui a été sorti. Et il paraît qu'il est surprenant, ce single qui s'appelle Adios. J'ai pas ce genre de surprise. Ouais, serait-ce une bonne nouvelle ? Prémonitoire. Adios. Adios. Mais il y a l'accordéon ? Mais c'est qui ce... Il a pris 40 ans ? Il a pris 40 ans, c'est plus lui qui chante, c'est l'autotune. Il a juste un filet de barbe qui lui fait... Ouais, c'est incroyable. Apparemment, il parle en plusieurs langues. You, c'est de l'anglais. Alors là, c'est de l'English version. C'est un style très bizarre. Un mélange de tango... Je sais pas où il est parti, là. Bon, c'est toujours aussi festif. C'est produit par le même par Patrick Sébastien, non ? Il va passer au grand cabaret, tu veux dire. Avec des filles qui dansent dans les clips, normal. Un peu d'accordéon, le. Du bandoneon, lors de ce que l'on dit. Oh. Ouais, il a dû aller tourner en Argentine. Bah voilà, tous les rappeurs et R&B et compagnie vont faire leurs albums en Jamaïque pour s'imprégner de l'ambiance, c'est pas que de l'ambiance. Ouais, c'est ça. Reggae. Parce que c'est moins cher, oui, le studio parties, là-bas. Voilà. En tout cas, quand tu fais les courses, c'est moins cher. Ouais, les détecteurs de fumée sont toujours coupés là-bas. Non, il a dû partir enregistrer en Argentine, apparemment, quelque chose comme ça. Ça s'envoie ce single. Donc dans le clip de bande-annonce, il s'est déguisé, c'est lui qui joue plusieurs personnages. Ah, quelle performance artistique théâtrale de ce cher Ricky, impressionnant. C'est vrai que c'est... Est-ce qu'on peut appeler ça l'album de la maturité? C'est la phrase bateau qui marche à tous les coups. Même pour Johnny Hallyday ça marche. Alors Johnny, c'est l'album de la maturité? Oui bien sûr. De la sénilité. Plutôt. Ouais mais il a pris quand même de la bouteille. Faut avouer. Johnny, ouais. Johnny, Johnny. Rapidement en plus. Ouais. D'un coup. Et en gros volume. Cul sec. Ouais, alors bon, que Renault, lui, quand il pisse, il fait les bouteilles maintenant. Voilà. J'ai vu en achat un vin Gérard Depardieu. Ah oui. Oui, il a son propre cépage. Hein. Ouais, ouais. Effectivement. Oui. J'étais à Tournai et tu avais la possibilité d'acheter le vin de Gérard Depardieu. Bon, maintenant, il faut se mettre à la vodka, mais... Tu vois, c'est un connard, ouais. Bientôt, t'auras la vodka Gérard Depardieu, tu sais. Ouais, c'était... Voilà, quoi. Voilà, on a encore parlé voilà, dessus. Voilà. Bon, je vous propose de faire une petite pause, parce qu'il faut se reposer après du Ricky Martin. Hein. C'est on a dansé et tout, là. Non. On se retrouve juste après. Continue cette émission de l'Another Podcast, 39e épisode, et on fait une petite prospective des jeux, des séries, des films, des albums, des jeux de société qui vont sortir en 2015. C'est triste parce que il n'y a pas grand chose de vraiment entraînant ou... Ça fait un peu peur cette 2015. Ça fait un peu peur. Oui. Alors je ne veux pas vous alarmer, mais sur internet, il y a plusieurs études qui ont été faites et qui révèlent que chaque année 15... qui se finit par 15, sont généralement des années qui changent un peu le monde. Hein, par exemple, la guerre de 14-18, ça battait son plein en 15. Et t'en as plein. Marignan, 515, 500e anniversaire. Et t'as à chaque centenaire, tu as comme ça les années 15 qui apparemment ne sont pas de bon augure. On va faire une émission spéciale Marignan. Voilà. Et vu qu'on parle de mauvais augure, on va parler des albums qui vont sortir en 2015. Sortir ou pas. Ou pas. Ou pas. Pour raison de qualité, nous ressortirons pas notre album. Alors, j'ai plusieurs albums. Il y en a que j'ai classifié en tant qu'album commercial. Donc, La Bonne Soupe, on a déjà parlé de Madonna. Oui. Ça, c'est fait. On a parlé de Ricky Martin également. Il y a Radiohead qui va sortir un nouvel album. Ils ont fait quelques chansons en studio en automne. Et le quintet britannique, apparemment, va continuer donc, à essayer de vendre leurs albums entraînants, de cette musique joyeuse et populaire. Il y a aussi le groupe préféré de Reynald qui va sortir un nouvel album, c'est Muse. Mais je vous merde, c'est pas mon... Et d'ailleurs, je te rappelle ce qui est marqué sur la charte de Belafonte, ce que tu m'avais dit la dernière fois, enfoiré. On n'a pas le droit d'écouter de Muse, on va pas en écouter. On a le droit d'en parler. Ouais, bien ou mal, hein. Ils étaient en studio en même temps que Radiohead. Pour te prévenir, à l'avance, pour pas que tu les croises. Ouais. C'est de la prévention. Hein. On peut parler de Muse à chaque émission, hein, si tu veux. Une nouvelle résolution 2015. Ah non, mais j'aime pas Muse. Allez, dans le même type, il y a Adele qui prépare son troisième album. Oh. Là, après avoir fait 30 millions de ventes d'albums. Avec James Bond. Apparemment, beaucoup de gens vont... être déçus. Ouais, j'allais dire dépenser de l'argent, mais c'est un peu la même chose. Il y a également Björk, donc l'Islandaise va sortir un nouvel album. Alors attention, elle promet un album fantasmagorique. Promet. Voilà. Encore la raison de pas acheter un album. Voilà. Mauvaise promotion. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui écoutent Björk ou... Qui ? Oui, tu mets ça. C'est pas un personnage de Star Wars ? T'écoutes ça quand ? Non, quand... Ouais, faut être tout seul. Il faut qu'il y ait pas de témoins, quoi. Ouais, déjà. Je sais pas, je sais pas. Non, pas facile. Hein. Tu prends n'importe quelle chanson, même les plus connues, tu mets pas ça lors d'une soirée, même si tu veux un tapis d'ambiance pendant que tu bois l'apéro, tu mets pas Björk. Ah si, ça peut le faire, mais ça dépend. T'as pas envie que les gens cassent les verres et ça commencent à s'entailler, quoi. Ça dépend des gens que tu invites, quoi. si tu veux les voir partir plus vite aussi. Ouais. Donc, elle a quand même choisi un nouveau producteur qui s'appelle Arca, qui est le même que Kanye West. Eh ouais, c'est pour ça qu'elle se lance dans de nouveaux horizons musicaux. Je pense qu'on va s'écouter du Björk. Hein. Ouais, ça va être sympa. Ouais, ouais. Ça va être sympa. Marilyn Manson va sortir également un nouvel album. Ah, c'est dommage. Je le préfère en tant qu'acteur, lui. Il y avait des films ? Ah, des séries. Et aussi des films, oui. Du genre ? Il était dans les dernières saisons de Sons of Anarchy. Il joue un personnage inquiétant. Mais oui, non, on le voit de temps en temps, en tant qu'acteur. Et j'ai un extrait du nouvel album. Je l'avais déjà dit, mais je n'ai jamais entendu un morceau de Marilyn Manson. Je le connais qu'en tant qu'acteur, moi. Voilà à quoi elle sert, cette émission. Bon, jusqu'ici, ça va. Voilà, vous écoutez Marilyn Manson, son nouvel album The Pale Emperor. Et la chanson s'appelle Deep Six. Alors ça fait quoi cette première écoute de Marilyn Manson, Dominique ? Pour moi, il n'y a pas d'autotune. Il chante bien. Bien travaillé. Il y a un peu d'écho quand même. Oh, il est enregistré dans une caverne. Bon, c'est du Marilyn Manson. Hein. Ouais. Encore Madonna, pour ceux qui aiment Madonna, c'est un style qui change quand même, que Marilyn Manson reste... C'est quoi la différence entre les deux ? Même visuellement, physiquement, je le vois botox. Pas. Ouais, non, ils ont les mêmes chirurgiens et tout. Hein. D'ailleurs, sur la couverture, on voit la peau qui tombe, à mon avis, ah, c'est voilà. Bah ouais, c'est ça. Excès de botox. Avec sans fond musical. J'ai déjà en tête le dernier morceau du quiz qui va passer tout à l'heure. Aïe, aïe, aïe, aïe. Ça promet. On va commencer l'année en beauté, je vous le dis. Autre album commercial. Autre produit. Ouais. Il y aura donc Kanye West qui va sortir un nouvel album, pas de titre encore. Hein. D'ailleurs, quand j'ai recherché les news d'albums, j'avais beaucoup d'albums qui s'appelaient TBC. Je me dis, mais pourquoi ? Non, To Be Confirmed. Ah, donc le titre n'est pas encore défini. Ça peut être un bon titre d'album, ça. Donc voilà, je pensais que tous les albums avaient décidé cette année de choisir TBC comme titre. To Be Confirmed. Bah non. Il y a Adele qui va sortir un nouvel album, mais on en a déjà parlé. Deux fois dans la même année, c'est pas un choix. Il y a des privilégiés. Des suicidaires, hein. Coldplay va sortir un nouvel album qui s'appellera A Head Full of Dreams. Ouais, ça leur correspond bien. Et j'ai noté en comment A Pocket Full of Money. Qui sera un peu la même chose. Ils ont des impôts à payer, tous ces gens-là. Mais ça sera apparemment leur dernier album. Ouais, bon, ils disent tout ça. Chris Martin a annoncé. Hein. C'est triste. Hein. Je pense qu'ils ont vu qu'ils partaient dans le mauvais sens. Ouais, ils partent dans le pop, quoi. Non, ils ont trouvé un autre. Ils ont inventé un nouveau type de pop. Rihanna va sortir un nouvel album ainsi que Britney Spears. Oh. Alors ça va être ça, c'est album découverte. Hein. C'est entouré Britney Spears. Ah ouais. Pour les fans des Beatles, on a Ringo Starr, le fameux batteur des Beatles, qui va sortir son album solo en 2015. Sachant qu'il en avait sorti un en 2012, si je ne me trompe, donc il y a 3 ans. Ça va être du Ringo Starr. Un album découverte, ça va le faire. Dom, ça c'est les albums qu'on attend maintenant, ah. Qu'on attend avec impatience. Et là je déconne pas, il y a Fleetwood Mac qui va sortir un nouvel album. Un album de chansons originales ? De chansons originales. Ou alors genre Fleetwood Mac and International Friend. Non. Alors tout cela s'explique puisque Christine McVie, qui était absente du groupe depuis plus de 15 ans si je ne me trompe, 16 ans, depuis 16 ans elle était absente du groupe Fleetwood Mac, ils ont même fait des tournées sans elle. Oui. Elle est revenue dans le groupe pour qu'ils fassent une nouvelle tournée mondiale, plus un nouvel album de chansons originales. Il faut qu'on chope les dates là. Donc ça peut être sympa. Laurent connaît même pas Fleetwood Mac. Si, je connais. Ou alors si on peut les choper en concert. Ça risque d'être sympathique. Hein. Et j'ai vu quelques photos, apparemment ils se tiennent bien. Après c'était la photo où ils étaient ils maquillés. Ils se tiennent droit. Ils se tiennent droit, pardon. Okay. C'est dur. Ouais. Ils sont pas tout jeunes. Hein. Bob Dylan lui aussi sortira un nouvel album. Alors attention, on va jouer au jeu. Le numéro de cet opus. Oh, Bob Dylan. 14. Non, je dirais 44. 39. 36, pas loin d'un. Donc le 3 février 2015, vous aurez 10 chansons que vous pourrez écouter sur le disque. C'est-à-dire, si tu dois faire un cocktail avec des amis non suicidaires, tu mets Björk ou Bob Dylan ? Oh, ça non, t'es méchant avec Bob, là. Moi, je sais quoi mettre, hein. Je l'ai mis en musique de fin de mon quiz, mais... Bon, on a l'un des deux. Non, même pas. Allez, hop, tout à l'heure. Bon, j'ai mis Bob Dylan dans les albums qu'on attend, bon, ça peut... Surprenant. Ringo Starr et Bob Dylan, waouh, c'est pas lourd. Hein. Laurie va sortir un nouvel album. On change carrément d'époque. Laurie avec qui? Toute seule. Ouais, apparemment, Garou n'a pas encore communiqué. To be confirmed. Donc, elle a annoncé qu'elle planchait sur un nouveau projet. On s'écoutera du Give Me Love. Ah ouais, bien. C'est 4. Give Me Love. Ça, c'est pour Reynald, Megadeth. Ah oui. Alors. Megadeth s'est un peu splitté dans ces dernières années. Hein, ouais, c'est pas, tout c'est monde pas est un jeune parti, groupe. Hein. Tout le monde est parti un peu de son côté, mais Dave Mustaine a déclaré sur son Twitter, donc Dave c'est le grand blond hein, qui chante avec sa voix nasillarde, il a déclaré « J'aimerais tant que les fans de Megadeth puissent être au courant de ce qui va se passer cette année. » Super. Oula. Quand on parlait de Malheur en 2015, il doit parler de ça, non ? Mais bon, voilà, nouvel album de Megadeth. Peut-être, ça pourrait être intéressant. En tout cas, c'est un peu comme tu disais, l'album d'ACDC tout à l'heure en off. Ouais. On retrouve toujours les mêmes choses. Voilà, tu prends n'importe quel ancien album et tu réponds, c'est bien. Ouais. C'est à la rigueur, qu'il fasse une grosse tournée, ça sera mieux qu'un nouvel album. Oui, c'est pareil, tu citais Kali ou des gens comme ça, sur scène, ça doit être excellent. Bon, de là, écouter l'album. Dans la même ligne capillaire que Dave Mustaine, on a Michel Polnareff. Ah oui, ça dépend. Il a eu sa période Agent 47. Hein. Les références. On avait parlé de Michel Polnareff qui décalait son album malheureusement jour en jour. Mais ça sortira bien en 2015, hein, puisqu'il faut bien mettre un peu d'argent pour payer sa retraite. Donc voilà, hein, comme d'habitude, hein, il y aura du piano, du synthé, même de la harpe et de la guitare. Mmh. Et du bandoneon, comme dans le clip de Ricky Martin ? Peut-être. Mmh. Donc, il y a apparemment, même Michel va terminer son album à Bruxelles. T'as oublié le casou, non ? Non, pas encore. Et un grand album qu'on va écouter dès qu'il sort, c'est le nouvel album de Francis Cabrel, qui sortira en 2015, en mars. Il s'appelle comment, le bateau dans l'océan ? Non. En tout cas, il faut remercier tous ces artistes qui nous sortent de si beaux albums découvertes. Voilà. Alors, par contre, je tiens à mettre une petite nuance quand même. Il ne sera pas tout seul. Ah là là. Il a malheureusement récupéré Cali Renan Luce. Et le mec qui est en train de s'incruster, il y a un nouveau Thomas Dutronc, c'est Alain Souchon. Non. Alain Souchon sera sur l'album de Cabrel. Oh là là. C'est ça les bruits de bouteille que t'entends. Ouais. on rappelait qu'il a fait un album avec Laurent Voulzy. C'est lui qui fait la promo ou pas? Ou le mec vient. C'est le mec qui vient avec sa bouteille chez les gens. Le gars, il est réveillé. Il partage même pas. Il est invité partout. Et maintenant, il vient squatter tous les albums des autres. Il n'y aura pas que sur l'album de Cabrel, il y aura aussi sur l'album de Nolwenn Leroy. Oh la pauvre. Qui devrait apparemment aussi faire appel à Alain Souchon. C'est triste. Tu veux pas l'inviter dans l'émission? Je suis sûr qu'il va squatter une bonne semaine chez toi. Il chante pas en plus. Hein. Non, mais non, moi je suis là. C'est une émission qu'on écrit depuis 9 ans. Voilà. Alors moi je fais. Et lui fait la musique. Et ben voilà. Et pour terminer cette rubrique d'albums qui vont sortir en 2015, ça sera Cœur de Pirate qui sortira un album en 2015. Bon. Ça, c'était dans les commerciales, mais ça a glissé en bas, malheureusement. C'est pour annoncer en avant les albums découvertes. Voilà. Quelques albums découvertes. On en trouvera d'autres, hein, bien sûr. Oui. Vous inquiétez pas. Je vous propose de faire une petite pause. On enchaîne avec les séries de 2015 et quelques jeux de société. Ensuite, le quiz musical. C'est une émission un peu plus longue que d'habitude peut-être, mais c'est 2015, il faut fêter ça. On se retrouve juste après. Je vous êtes toujours sur la radio mais la Fontaine dans l'Another Podcast. On enchaîne avec les séries qui vont sortir en 2015. Quelle série doit-on attendre, Dom, ou quelles séries vont peut-être attirer le coup d'œil lorsqu'on va zapper? Alors, je ne parle absolument pas des suites de séries, hein, pas de Game of Thrones saison 5, 4, je ne sais même plus d'ailleurs où on en est, ou de... Bref. Et plus personne tourne la table. C'est pas grave. On en parlera quand... On parle bien des nouvelles... Voilà, des trucs un petit peu originaux qui ont attiré mon attention. Enfin, on fait encore des trucs originaux. La série la plus... Alors, c'est pas une suite, c'est un spin-off. Un spin-off, c'est quand on prend une série qui a marché ou pas, on prend un des personnages principaux ou pas, et on lui donne sa propre série. On travaille dans le même univers, mais avec une histoire complètement différente. La plus attendue, c'est parce que, bon, faut dire que la série Breaking Bad a fonctionné de façon énorme. Donc, ils ont repris. Dans la série Breaking Bad, il y a un personnage qui s'appelle Saul, qui est l'avocat. Alors, je ne vais pas dire véreux, mais disons que c'est un avocat qui a beaucoup de contacts particuliers. Eh bien, il a sa propre série, une série qui s'appelle Better Call Saul, qui va sortir en février, normalement. Donc, pas un Breaking Good, un autre nom, d'accord. C'est, voilà. Donc, c'est basé sur le personnage de cet avocat, qui est très, très amusant. Donc, c'est la série, le spin-off le plus attendu. Série, alors, c'est pas un spin-off, c'est une suite, voire un reboot. C'est Heroes, la fameuse Heroes, la série de super-héros qui était sortie il y a quelques années. Il y a eu plusieurs saisons. J'avais fini par décrocher au bout de la deuxième, je crois. Et là, ça s'appelait Heroes Reborn. Donc, pour les fans de la première série. Dis-moi pas qu'ils sont tous morts à la fin de la série, ils revivent. Non, ça serait des nouveaux personnages. Il doit rester un petit peu de fond. Et quelqu'un a récupéré les droits de la série. Ils vont essayer de faire un peu de fric dessus. On verra ce que ça donne. Pourquoi pas. Alors, c'est une suite, c'est un spin-off. Encore une série CSI, donc CSI en France c'est les experts, si je dis pas de bêtises. Donc on a eu les experts de Chicago. Non. Seattle. Non. Malibu. Non. Orlando. Les experts. Alors en français ça sera peut-être les experts cyber. Et donc ça sera consacré au crime numérique, à la cybercriminalité, les hackers et compagnie. Donc, Pourquoi pas, ça peut être sympa. Ça sera pas situé dans une ville en particulier parce que Internet est partout dans le monde. Avec un bon petit casting d'acteurs. Bien... L'actrice principale c'est Patricia Arquette, une actrice. Expérimenté, on va dire. Ouais, chaque fin d'épisode, ils arrêtent un petit adolescent qui était chargé. Elle a joué dans quoi? La Reine des Neiges. C'est une actrice que j'aime bien, donc ça devrait passer. Et bon, ça va rester les mêmes producteurs et les mêmes écrivains derrière, donc les mêmes auteurs, donc ça peut être sympa. Ça va peut-être nous intéresser, nous, le côté hacker et compagnie. On va voir si ça s'inspire de... Il faut voir comment c'est tourné, parce que si c'est juste voir... ouais, il a craqué 50 millions d'images pédophiles, il a arrêté. Waouh. Pas besoin de faire une série pour ça, quoi. Autre série, avec un nom connu. Mais Patricia Arquette, c'est Medium. Par exemple. Ah, entre autres. Bah oui, mais ouais, mais tu me dis pas tout. Moi, je réagis, hein, je suis comme Google, hein, c'est le temps que ça charge. Quelle image parfaite. Donc, je parlais de Scream, la série. Il y avait eu tellement de films déjà de Scream, on se demandait si c'était pas une série. Ben non, il y aurait une série Scream, vraiment. Pour de bon. Série adaptée du cinéma aussi, 12 Monkeys. Alors, pour ceux qui avaient vu le film... avec Bruce Willis. Avec Bruce Willis, ouais. Les 12 singes. Je n'ai plus le nom exact. Rien à voir avec l'armée des 12 singes. C'est ça, c'est l'armée des 12 singes. D'accord. Je cherchais le titre français exactement. Ah, rien l'armée à voir avec la planète singes. Des singes. Non. Alors, ouais. Non. Il y a déjà eu une série de la planète des singes il y a très longtemps, des années 70-80. Non, l'armée des 12 singes adaptée en série, pourquoi pas. Donc, c'est pour rappeler l'histoire, c'est dans le futur un peu apocalyptique, il y a une espèce de virus qui a tué un peu tout le monde, et il renvoie quelqu'un dans le passé pour essayer d'intercepter le virus. Alors, en film, c'était très bien. Est-ce qu'ils vont réussir à faire je ne sais pas combien d'épisodes dessus, pourquoi pas. Le gros problème des séries, c'est que quelquefois, quand ils prennent des licences comme ça de films, s'il n'y a pas vraiment une opportunité de faire des longues histoires, ils vont faire traîner l'histoire. Il faut l'opportunité, il faut des bons auteurs, il faut des acteurs et des idées originales. On parlait de Terminator, par exemple, les films. Il y a eu une série Terminator, les chroniques, les aventures de Sarah Connor, en gros. J'avais adoré. Là, il y a eu une saison et demie. C'était vraiment excellent, c'était original. C'est parce que t'as un univers qui est bien ouvert, il y avait un univers, et il tournait autour des histoires, il réécrivait pas tout, et il y avait des choses originales, c'était bien fait, pour les gens qui appréciaient. Alors tu vas peut-être me traiter, mais Stargate, c'était un peu la même chose. L'univers était tellement vaste à la base que tu pouvais en faire n'importe quoi. Tu pouvais partir dans toutes les directions, et il y a eu n'importe quoi. Il y a eu n'importe quoi. Mais le pire, le défaut de Stargate, c'est que même le n'importe quoi rapportait du fric, donc ils ont continué. Ouais, puis c'est le problème. Des séries comme tu parles de Stargate, c'est des séries ouvertes où tu n'as pas de fin. Tu as des séries qui ont, par exemple, ils disent, ils finissent la série à la fin de la deuxième saison, qu'elle marche ou pas, et donc ils sont obligés de construire tous les dénouements qu'il y a un personnage qui meurt pour revenir. Voilà, et en deux saisons. Donc forcément, t'as quelque chose de plus fourni, plus construit. Alors que Stargate, tu pouvais faire 10 saisons. Tant que ça évoluait, ça évoluait. Tant que ça fonctionnait. On découvrait toujours un nouveau monde. Et puis voilà, basta. Ouais. En effet. On va rajouter un chevron. On va rajouter un chevron. Ah, bah on va encore plus loin maintenant. Dans les séries que je garde, que j'aurai à l'œil en attendant leur arrivée en France, Le Dernier Homme sur Terre, donc Last Man on Earth, sorti 2015 sur Fox. Alors ça sera une comédie, vraiment épisode de 20 minutes, enfin vraiment dans le style, petite série d'humour. Sur Mr. Bean. Le Dernier Homme sur Terre, donc il y a un survivant, et le gars est tout seul, sur Terre, c'est le dernier survivant. Et apparemment, il va essayer de retrouver d'autres survivants. Bon, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est sympa, mais le dernier, je comprends surtout pas. C'est surtout le fait que ça soit annoncé comme une comédie, quoi. D'accord, rien à voir avec le film de Will Smith où il est tout seul. Non, c'est le même univers, quoi. Voilà, c'est le même principe, quoi. Ouais. Minecraft en série, quoi. Peut-être pas non plus. World of Warcraft, mais quand tu le filmes de chez toi. Last Man in My Room. Alors, beaucoup de séries science-fiction annoncées. The Messengers, une série mystérieuse. Ils ont juste montré les deux premières minutes en tant que teaser à la série. Donc, des tas de personnes qui sont mystérieusement tuées. Une espèce d'objet qui tombe sur Terre. Plein de personnes meurent. Puis, elles se réveillent quelques années plus tard. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait. Ça a l'air très bien écrit. C'est très attendu. Wow. Et on reste... Alors, c'est... Alors, là, on parle bien des séries américaines. Oui. Donc, ça veut dire sorti en France dans 2 ans. Ouais. Ah, c'est quoi que maintenant, avec les nouvelles chaînes qui te diffusent les séries le lendemain, pourquoi pas. Ça peut venir très vite. Série Club. Soyez plus à jour. Non. Tu regardes encore Club Dorothée? Mais j'ai vu Dorothée il y a pas longtemps à la télé. Arrête. Deux petites séries qui ont aussi gardé mon attention. Alors, dans le genre de... une série qui se passe dans les années 60. Alors, c'est très à la mode depuis Mad Men. Où on suivait les aventures de personnes qui travaillaient dans une agence de publicité dans les 50-60 avec reconstitution historique très précise et au niveau ambiance musicale, donc qui a beaucoup marché. On a eu aussi Manhattan l'année dernière qui reprenait l'histoire du projet Manhattan, donc la création de la bombe atomique dans les années 40 avec reconstitution historique, et vraiment très intéressant. On se met dans un endroit, un contexte historique, et on voit les aventures des gens autour de ça. Là, on a The Astronaut Wife Club, donc les femmes, le club des femmes des astronautes, donc dans les années 60, les premiers astronautes américains qui partaient dans les... Donc on va pas suivre l'aventure des astronautes eux-mêmes, mais de leurs femmes, en gros de ce qui se passe autour, quoi, de la vie quotidienne des gens, et donc ça se passe dans les années 60, ça peut être très intéressant. Épisode 1, Réunion de Super War. Donc c'est ça, donc c'était des vrais héros à l'époque, donc ça peut être assez intéressant. De... Spaceman Housewife. Voilà, c'est vrai, si tu veux. Et dernière série qui a capté mon attention aussi, alors ça se passe, il y a une série qui est, ils en sont à la deuxième ou troisième saison, The Americans, où on suit un couple d'agents russes dans les années 80, des agents russes infiltrés aux États-Unis, qui sont des espions, quoi, qui vivent de façon cachée. Ils ont des enfants, ils sont mariés, etc. Ils font passer pour des Américains. Et donc là, il y a une série qui annonce qui s'appelle Allégiance. Donc, en gros, c'est un officier de l'armée qui est devenu officier de la CIA, donc un officier brillant. Ce qui s'est passé, c'est que ses parents et sa sœur sont en fait des agents russes dormants qui sont prêts à être réveillés, une espèce de cellule terroriste russe qui vient d'être réactivée et qui sont censés espionner leur propre fils qui travaille à la CIA dans le but de tuer des milliers d'Américains. Donc ça peut être très intéressant. Il y a un sujet assez original. Ça m'a tiré par les cheveux, mais bon. J'ai l'impression que les auteurs de séries... auteurs de séries se défoncent plus que les films au niveau des innovations. C'est pas faux. Bah, on voit le sujet depuis plusieurs années. Ils tentent plus de choses. Voilà, Si tu sors une nouvelle série, tu es obligé de sortir des sentiers battus. Et il faut que tu prennes des gros acteurs de séries, de films qui sont connus que pour des films. Quoi. Dans beaucoup de séries maintenant, les acteurs principaux sont des vrais acteurs de cinéma. Dans les experts, ils avaient pris le gars de Matrix. Tout à l'heure, Patricia Arquette qui a aussi fait des séries avant, mais qui tournait au cinéma avant. Quoi. Mais t'as le format qui a évolué aussi, parce qu'avant, t'avais les séries qui faisaient 20 minutes, 30 minutes grand maximum, parce que c'était des séries un peu comédie. Maintenant, t'as des séries qui font 3 quarts d'heure, voire des fois 1 heure par épisode. Et puis, tu as la qualité technique aussi. Tu peux voir la qualité cinéma avec ce genre de séries. Chaque épisode d'une série maintenant peut être pratiquement l'équivalent d'un film au niveau qualité cinématographique, décor et compagnie. Production en gros, quoi, des films il y a quelques années. Tu regardais un épisode de Game of Thrones, on n'est pas au niveau du Hobbit et compagnie, au niveau des effets spéciaux, mais. D'ailleurs, ça me fait poser une question. Mm-hmm. Est-ce que cette année, Winter is Coming? Je sais pas, j'ai pas lu les bouquins. Je sais pas, mais il y a des chances. Ce qu'on peut faire, c'est de parler de jeux de société. Ouais. Quels sont les jeux de société qui vont sortir en 2015? Alors, c'est pas facile. Une nouvelle extension pour Dixit? Oh, il y a de fortes chances. Oh, pas sûr. Alors, c'est pas facile de voir les jeux de société puisque généralement les annonces sont faites lors des gros salons. Hein, oui, c'est... Bah, en fait, il y a énormément de jeux qui sortent en jeu de plateau, que ce soit des rééditions ou des sorties pour les premières éditions. Et il y a, je crois qu'il y a un moment donné, on avait plus d'un jeu qui sortait par jour. On est arrivé à 700 voire 800 jeux édités par an, les rééditions comprises. Et on parle pas des éditions Monopoly de... Ah oui, non, mais vraiment des jeux... De nouveaux jeux. On pouvait taper dans le Ravensburger, mais pas dans les Monopoly, Cluedo et compagnie, ouais. Ce qu'il y a dans les... très difficile à voir dans les niveaux de jeux en 2015, c'est que maintenant, avec les plateformes comme Kickstarter, Ulule et compagnie, beaucoup de maisons d'édition ont pris le pas sur le... on va dire le créateur lambda, qui demande des fonds pour ça. Et ils se disent, bah tiens, pourquoi pas toi va donner de l'argent pour que moi, en tant que maison d'édition, je produis plus vite mon jeu. Donc ça s'est engouffré là-dedans. Il y a de très bons jeux qui sont aussi édités là, comme Conan de Fred Henry. Mm-hmm. Donc Conan, c'était un projet qui était Kickstarter à la base. Il est Kickstarter. Normalement, le Kickstarter est ouvert ce jour même, donc le 5 janvier. Fred Henry étant un créateur auteur français, mm-hmm. qui a fait par exemple le Timeline, les Bâtisseurs, et qui a fait son jeu sur Conan, les romans de Howard, je crois, c'est le nom de l'écrivain. Donc rien à voir avec le jeu de cartes qui existe sur Conan. Il a fait vraiment l'univers de Conan venant des romans. C'est un jeu de figurines, un jeu de plateau figurine un peu à la HeroQuest pour simplifier au grand maximum. Voilà, qui est mis en Kickstarter pour pouvoir être édité. Sachant qu'ils ont déjà investi une paquet de dizaines de milliers d'euros le projet, très avancé, avec des figurines magnifiques. Alors, ça me fait toujours un peu peur, jeu de figurines, parce que est-ce que ça va toucher au Wargame ou vraiment au HeroQuest ? Bah, en fait, ça sera... je parlais plus de HeroQuest, parce que là, c'est vraiment le jeu où chaque joueur va jouer une figurine, donc un personnage, et dont un joueur va jouer, lui, le plateau, donc le mâle, les figurines qui restent. C'est un jeu coopératif. Ça, c'est bien. Voilà. Ouais. Ça, c'est le genre de jeu avec que je kiffe. Une mécanique de jeu très originale. Parce que c'est vraiment HeroQuest, quoi. Voilà. Le petit truc qui était en plus, que c'est que tu vas jouer ton tour, mais pas ton tour complet. Tu vas pouvoir dire, voilà, mais je fais quelques actions, mais je passe la main à tel joueur. Ouais. Parce que tu peux vraiment faire un jeu coopératif, tu peux mettre des stratégies en place en disant, je tue ce monstre-là, ça te permet de passer. Comme ça, toi, tu peux ouvrir la porte ou le coffre, et tel joueur peut venir faire ci. Je vous rassure, on est dans Conan, donc c'est de la baston. Hein. D'accord, voilà. Un jeu d'alliance, c'est trahison. Il y a très très vite de la baston, et ça tape dans tous les coins. Et c'est... Voilà. Je soigne le monstre, et c'est à toi de jouer. Ce qui est pas mal, c'est que tout est géré de façon un peu... tout est simplifié, dans le sens où tes points de vie de ton personnage sont tes points d'action. C'est-à-dire que le joueur qui va faire le mal, quand il va te taper, et qu'il va te blesser... va te retirer des points d'action que toi tu peux plus utiliser, sauf par potion magique ou je ne sais quoi. Une fois que tu n'as plus de points d'action, tu es considéré comme mort. Donc c'est un peu plus évolué ou plus simplifié, c'est à toi de voir comment en tout cas, il y a un concept solide derrière et très innovant. Les figurines sont très belles parce qu'elles sont sculptées par des anciens personnes de Sherakam. Tu me dis que les figurines sont faites. Ah ouais, si c'est ancien de Sherakam. Voilà, pratiquement, je vais pas dire 100%, mais beaucoup de monde est français sur la conception du jeu. On va aller sur le Kickstarter pour voir où ça en est. Alors, le Kickstarter commence ou est fini ? Non, il commence aujourd'hui, le 5 janvier. Mais il a déjà montré son projet, il a déjà montré ses Jeux. Le jeu est déjà en test auprès de centaines de joueurs, etc. Oui, ça fait au moins plus d'un an qu'il est dessus. Parce que d'habitude, tu lances un Kickstarter, tu fais la promo au moment où tu crées. Fred Henry et les gens avec qui il collabore sont des gens déjà confirmés dans le jeu vidéo, dans le jeu plateau. Donc eux, ils peuvent se le permettre. Ils ont déjà investi leur propre argent dedans, quoi. Donc ils croient vraiment leur projet. Ouais. C'est sûr qu'il y a beaucoup de projets sur Kickstarter qui arrivent de gens d'amateurs complets qui ont dit tiens, pourquoi pas faire ce jeu-là. J'ai une idée, j'ai pas trop d'argent, je vais me lancer sur Kickstarter. Là, on n'est pas à ce niveau-là, quoi. Est-ce que c'est pas puisqu'on a souvent parlé des Kickstarter, on parlait des boîtes qui avaient déjà financé leur projet, avaient déjà tout ce qu'il fallait, ça arrive et faisaient le Kickstarter pour faire justement de la pub. De la publicité pour affiner leur jeu, pour servir un petit peu de bêta test et éventuellement apporter des idées en plus ou compléter. On va faire une petite pause et on continue sur quelques news de jeux de société et sans oublier le quiz de Dominique pour ceux qui qui ont rien à faire ce soir, qui ont 3 heures à tuer. Non. Il va être assez rapide. On se retrouve juste après. continue cette émission de l'Another Podcast. On était en train de parler de jeux de société. On va faire un petit survol des prochains jeux de société qui vont arriver en 2015. Et Laurent est impatient. Laurent a vraiment envie de savoir Laurent à quel est présent. Jeu de... Comme je disais juste avant la pause, vu le nombre de jeux de société qui sortent et surtout les éditions qui se font par rapport au salon, j'ai prospecté un petit peu jusqu'au salon international de Cannes et je pense qu'on aura aussi surtout lors des prochaines émissions de quoi parler sur les prochains jeux qui sortiront. On peut faire un highlight des jeux qui vont être intéressants. Voilà. J'ai retenu quelques attentions. Alors moi, je viens d'en voir un qui a l'air assez intéressant, déjà. Il y a... pas forcément un jeu de société, mais on va en parler tout de suite. C'est un jeu de rôle qui a été fait par Croc il y a très longtemps, qui ressort en 2015. Nominé Satanis, Qui va ressortir en Kickstarter aussi, lui. Oh, carrément. Alors, cette année, en 2015. Le gros, il s'y met. Il faut préciser quel était le jeu de rôle Innominé Satanis. Et MV correspond à Magna Veritas. Magna Veritas. Donc, c'était un jeu de rôle vraiment... exceptionnel, j'ai envie de dire. Il avait son charme et Croc est très connu surtout par ce jeu de rôle, je pense. Mm-hmm. Ouais. Donc le jeu, vous aviez deux possibilités. Donc c'était un jeu de rôle, donc il y avait un maître de jeu, les autres joueurs incarnaient des joueurs. Et donc soit on choisissait le côté démon. Ouais. Donc on incarnait des démons et on essayait de se faufiler dans la race humaine sans se faire trop remarquer. Voilà, et d'accomplir, de faire les missions pour pas les grands anciens, mais ces boss, quoi, enfin les démons. Où on était des anges. Des anges. De la même façon, on devait essayer de pas trop se faire remarquer. Et ce qui était amusant, c'est que les anges avaient pas forcément des méthodes plus catholiques que les démons. C'était souvent le carnage. C'était plus sanglant. Et quand je dis qu'il fallait être discret, sachant que quand ton copain était orange, ça partait. Comment ça? Le scénario commençait directement. Tout ça parce mal. Que mon démon de Agenti était un clone. En gros, c'était Ronald McDonald. Quoi. Voilà. Bon, en fait, déjà rien qu'à la création c'était du pratique. Perso, tu te tapais la tête contre la table en disant putain, comment je vais rester discret. Voilà, donc t'étais un ange et t'étais psychopathe. Ouais, super. Ah là là. En fait, Innominé Satanis serait réédité donc, en 2015 par Kickstarter. Déjà parce qu'il faut savoir que je pense à l'époque, si je me souviens bien, il avait écrit les règles genre en une nuit blanche, il avait écrit les règles. Mais il est assez puriste et il est prêt à effacer des pans complets d'un jeu pour le réécrire parce qu'il y a par exemple une virgule qui lui plaît pas. Mais il veut que ça soit bien fait. Et c'est... Ouais. Donc il l'a écrit en une nuit, il l'a corrigé pendant 5 ans. La première 5 ans, version, c'est gentil, peut-être. 15 ans. Ouais. Mais là, ça va être sorti en Kickstarter parce que c'est pas sa maison d'édition à lui, c'est pas Marabunta ou Space Cowboys ou Asmodee sur lesquels il travaille avant. C'est son propre projet, c'est son bébé quoi. En fait, c'est une nouvelle maison d'édition qui va le produire en tant que premier projet. Ça va être énorme. Et donc, n'ayant pas forcément les fonds, va le porter sur Kickstarter et voir si ça fonctionne pour que cette maison d'édition puisse sortir un deuxième jeu. Et là, je vous laisse deviner, François qui peut lire sur le PC, mais... Dans le même genre, c'est encore... Non, c'est pas Croc. C'est pareil, Croc. Bah, il avait... Bloodlust, c'était lui aussi Non, c'est pas Bloodlust. C'est pas Bloodlust. Non, je vois pas. Ça serait Bitume. Ah oui, Bitume. Voilà, c'est ça, c'est Bitume. Ça me dit rien, moi, Bitume. Bitume, c'est une sorte de jeu de rôle en Mad Max. C'est ça. Bon, on parlait de Mad Max tout à l'heure en cinéma. Voilà, c'est Mad Max en... Mais si, je me trouve, on avait déjà croisé Croc. Oui, on l'a déjà croisé. Lors de parties de confrontation, peut-être. Ou Demon World. Il est difficile à rater. J'espère qu'il n'écoute pas. Non. Bon, on le croisera peut-être encore à Ludinor cette année, on verra bien. Deux autres jeux qui m'ont un peu retenu mon attention, qui est Castellion et Sylvion, qui sortira chez Philosophia et donc Philosophia, j'adore cet éditeur. Un qui sortira, je pense, pour le côté Festival National de Cannes, et le deuxième, donc Castellion, qui sortira pour le SN. Festival de Cannes Festival de Cannes du jeu de société, oui, monsieur. Et en fin février, le dernier week-end de février, t'as le salon international. Tu y vas pendant 3-4 jours et voilà, t'as un salon et tu. Si donc il y a bien un festival si de Cannes dont personne ne parle, quoi. Exactement. Si tu aimes bien ne pas dormir, tu peux y passer. D'accord. En fait, j'en parle parce que c'est par l'auteur du jeu Onerim, qui est un très bon jeu solo. C'est-à-dire le petit casse-tête. Les deux jeux dont je parle, donc Sylvion et Castellion, sont des jeux solo. Alors, je suis en train de découvrir qu'il y a des jeux de société solo. Absolument. Et là, en fait, tu peux y jouer à Monopoly tout seul. Quoi. Tu peux y jouer à deux. Tu peux y jouer à deux, mais c'est en coopératif. En fait, c'est toujours contre le jeu que tu te bats. Il faut dire que l'auteur a inventé ces jeux parce que il est chanteur, il est artiste. Dans l'avion, il a fini par créer ces jeux pour jouer tout seul, pratiquement dans l'avion, dans le train, etc. Donc c'est un jeu coopératif, en fait, un peu comme les Chevaliers de la Table Ronde. Ça voilà, tombe, tu peux jouer tout seul. Ces jeux-là sont prévus pour jouer tout seul. Il a fait une petite adaptation pour jouer à deux. Sylvion est un jeu où tu as une sorte de draft à faire. Pour protéger une sorte de tower defense sur PC. T'imagines ? Une sorte de draft. Mais voilà. Et là, ce qui te perturbe, c'est un draft, mais tu es tout seul. C'est quoi un draft ? C'est quand tu construis, au début, tu ne tires pas les cartes au hasard, tu construis un petit peu ta main. Tu as des cartes en main, tu en choisis une, et tu passes les cartes aux autres. Le seul souci, c'est que comment tu passes les cartes aux autres quand tu es tout seul ? Voilà. Voilà. Donc il a créé une petite mécanique pour gérer ça. Donc ça sera intéressant à voir. Puis en plus j'ai toujours aimé, si c'est le même univers visuel. C'est tous les jeux sont faits par la même illustratrice. Ah oui, ouais. C'est vraiment excellent. C'est un univers très particulier. Donc c'est une sorte de tower defense solo. Sympa. Et d'après ce que j'ai compris, vu que c'est quand même des previews, il a pas de téléphone de tablette ce jeu, ce gars-là. Ouais. Mais il y pense, je pense. D'après ce que j'ai compris, c'est qu'en plus, tu as un choix stratégique à la fin où si ton pion est sur une zone où tu as perdu, tu perds. Si tu es sur une zone où l'attaque de tower defense n'a pas encore réussi à ravager, tu as gagné. Donc tu as aussi... C'est intéressant. Voilà. Ça m'intrigue. Tu as deux possibilités de gain. Et le Castellion est une conception où tu dois, avec des tuiles cette fois-ci, pas avec des cartes, tu dois construire un château. Où tu vas commencer par un petit château et tu recevras des attaques comme une sorte de tower défense. Mais ça va ravager ton château et le but c'est de rester en vie. Tu vas pas me dire que tu peux jouer à ça dans l'avion. Oh bah attends, les avions, tu sais, t'as de la place. Hein. Ouais. Mais c'est des petits jeux, hein. C'est pas forcément t'as besoin d'une table pour y jouer. À voir, ça peut être sympa. Voilà. C'est généralement une vingtaine de minutes par partie. Attends, je vais réveiller. Laurent, réveille-toi. Quoi ? Un autre jeu qui m'a appris. Qui m'a un peu réveillé l'attention. 8 minutes pour un empire. Voilà, 8 minutes pour un empire qui existait déjà. Bah oui. Voilà. Et là, ils vont sortir en 2015 chez Yellow, 8 minutes pour un empire Legends. Oh. Et donc, le 8 minutes pour un empire, c'est grosso modo vrai. C'est une partie qui dure entre 8 et 15 minutes. Sauf pour ceux qui checkpointent à réfléchir le meilleur coup. Voilà, ça dure 8 heures. Là, ça dure 8 heures. Où tu as une petite carte devant toi où tu peux placer des pions. Essayer de conquérir la carte, mais la mécanique est très simple. C'est à ton tour, tu choisis une carte, t'appliques l'effet. C'est très, ouais. Ça s'arrête là. Et à la fin de partie, tu gagnes des points de victoire avec les cartes que tu as eues. Tu peux faire des collections, ou des points de victoire, etc. Et ça fonctionne. C'est très simple. Ouais. Ça dure très peu de temps. Et là, ils ont mis le 8 minutes pour un empire Legends pour l'adapter au Medieval Fantastique. Oh. Donc les cartes que tu prends ne serviront pas que pour faire des collections ou des actions, mais aussi des effets. Par exemple, les tours de magie, des créatures. Oh, Steampunk Rally, ça, ça a l'air bien. J'aime bien Steampunk et j'aime bien le rally. Voilà. On avait joué à Championship. Ship. Un truc qui n'a rien à voir. Pour le Steampunk, ouais. Ouais, c'est ça. Les moutons en cuivre. Bon, on tourne le rally à Steampunk Rally maintenant. Voilà. Le Steampunk Rally, qui est pas encore, la date n'est pas encore précisée pour 2015, par une société d'édition que je ne connais pas, Roxley. Roxley Games. Roxley Games. Bah c'est très connu. Hein. Absolument. Il est en fait un jeu de rallye où il n'y a aucune voiture. Il n'y a pas de circuit. Pas de mouton non plus. Intéressant. Il n'y a pas de mouton non plus. Merde. Bizarre. En fait, je vais juste lire le line-up parce que c'est assez bizarre. C'est Steampunk Rally est un jeu de stratégie qui mêle steampunk et course avec une mécanique de placement de dés unique. Les joueurs prennent le rôle des inventeurs célèbres comme Nikola Tesla et Marie Curie afin de construire les engins. Attends, les inventeurs célèbres de Nikola Tesla. Nikola Tesla, l'inventeur de l'ampoule. D'accord. Non, je sais plus. Non, c'est pas l'ampoule. Bobine électrique, non. La bobine électrique et tout comme ça. L'ampoule à UV. Ouais, c'est ça, voilà. Je peux finir, s'il vous plaît. Non. Donc, de Marie Curie, afin de construire des engins futuristes qui fonctionnent à la vapeur et l'électricité afin de gagner une course au travers des Alpes suisses. Tout un programme. Ah, déjà, je sais pas ce qu'ils prennent, mais j'en veux. Hein. Ah, oui. Avec un placement de dés, ça m'intrigue. La mécanique m'intrigue. Le matériel ne concerne que 120 dés et des cartes. Oh, 120 dés. Voilà. Rien que donc, ça. J'ai noté les mécanismes. Poste d'ouvrier, pioche. Oh là là. Donc, je suppose que les postes d'ouvrier, ce seront les dés. Ouais. Et après, il marque qu'il y a de nombreuses combinaisons de cartes et une résolution simultanée. Il y a des cartes et des dés. Voilà. Ça va faire mal. Ça sent la mécanique novatrice, peut-être bordélique. Ouais. Je sais pas. Mais rien que pour ça le côté steampunk et simultané, ça me plaît. Quoi. 120D, c'est énorme. C'est quand pas même. Mal. Faut. Mais j'aime bien, concept innovant, c'est... Ouais, c'est... ça peut être sympa. C'est un projet que je vais suivre et voir ce qu'il va donner. Ça tombe, c'est une grosse bouse, mais pas trop savoir. Ouais. Un dernier jeu pour la route ? Petite anecdote qui n'est pas un jeu de société proprement parlé, mais en 2015 sortira le jeu de société Brass de Martin Wallace, qui date de quelques années déjà. Bah oui, il me semble, oui. Mais sur Android et iOS. Donc là, pareil, on n'a pas encore de date fixe pour automne 2015. C'est vrai qu'on n'a pas fait de rubrique sur les sorties alors, iOS. Alors voilà, là t'entames un sujet tablette. Qui me tient particulièrement à cœur. C'est vrai que lorsque je cherche des jeux sur Android, etc., la première chose que je vais chercher, c'est les jeux de société qui normal. Sortent sur Android. Ouais. Je trouve que c'est un concept qui est vraiment... Il y a des jeux qui sont super bien adaptés. Bah, je trouve ça ouais. génial, tout simplement. Il y a eu pas mal de jeux de société qui ont été mis sur Internet, dont des sites ont fait ouais. Comme... Il y a eu à boîte à jeux.net, voilà, tu as Yukata pour les Allemands... Ouais. Donc les jeux de société sont exportés sur des sites pour qu'on puisse y jouer. Il y a si des jeux qui sont tout seul chez toi, tu peux trouver des gens pour jouer. En ligne, ouais. Hein. Mais le jeu sur l'iOS ou sur Android, pas beaucoup encore. À part les connus, les hyper bateaux. Il y a les Carcassonne. Ouais, le développement. Mais c'est basique pour l'instant. Hiroshima X peut coûter un petit peu cher, prendre du temps pour ce que c'est. Bah, cher, je suis pas d'accord. Je parle de vraies adaptations. Je te parle pas de ton téléphone où tu peux aller sur le site. Je te parle des adaptations. De vraies... ça peut prendre du temps. Je trouve pas que c'est très cher dans le sens où l'avantage du jeu de société, c'est que tu pourras rejouer et rejouer. Tu pourras même jouer à plusieurs sur le téléphone. Il y a Talisman, Hiroshima X, comme je disais. Bon, après, il y a les Monopoly, les trucs à la con. Ça, y en a mais je trouve qu'il y a de plus en plus de jeux et je trouve ça vraiment sympa. Enfin, en tout cas, moi, c'est le genre de jeu. Je pense que pour moi, c'est plus une vitrine aussi pour que les personnes puissent éventuellement s'entraîner. Voilà. S'entraîner, jouer tout seul contre leur. Faut qu'il y ait une intelligence artificielle par moment, c'est mieux. C'est pas toujours possible sur certains jeux où le niveau est pas assez évolué pour qu'il y ait du challenge, quoi. Mais ça peut être un appel aussi pour que les gens au final achètent la boîte vraiment du jeu qui coûte un peu plus cher que l'application. Surtout que là, Brass, c'est quand même le jeu de société de gestion qui a rebuté pas mal de monde. J'avoue qu'il peut être un peu rebutant à la base. Voilà. Et je connais même pas moi Brass. Brass, c'est l'histoire de l'évolution technologique industrielle de la Grande-Bretagne, commençant par le. Oui, c'est comme ça, quoi. Ça a l'air génial. Non, mais... c'est pas super sexy. Ah oui, généralement, Martin Wallace. En Angleterre, moi. Ah, mais Martin Wallace, c'est pas rigolo. Hein. C'est, voilà, il fait des jeux rigolo, sur des thèmes pas très. Il fait des jeux, mais c'est pas rigolo. Voilà. Par contre, une fois que t'es pris dedans. Tu es mort. Voilà, si t'aimes bien les jeux de gestion, c'est un auteur à suivre. Ouais, c'est un peu les gestions à la Agricola, etc. Ou c'est encore pire c'est que ça. Peu, ouais, c'est un petit peu, ouais, c'est dans le même genre, quoi, c'est du même niveau. Quoi. Bon, je ne testerai pas là. Je sens que t'as envie de nous parler d'un dernier jeu qui s'appelle Imperial Assault. Je le sens comme ça. Voilà. T'arrêtes de regarder le PC, ouais. Tricheur. Il n'avait pas terminé sa petite parenthèse, c'était chiant. Hein. De 7 minutes et demie, mais bon. Donc, on parlait de jeux de figurines avec Conan. Et là, comme on parlait de Star Wars pour les films, il y a l'assemblage des deux qui fait Imperial Assault, qui normalement sort en 2015 chez FFG Edge, donc potentiellement en français chez nous dès 2015 aussi. Ouais, ouais, ils ont un bon service. Voilà, comment dire, le Descent ou l'HeroQuest, version Star Wars. Des temps modernes. Oh. Voilà. Plus particulièrement tiré sur le film... quand ils attaquent le bunker pour détruire l'étoile noire. C'est le 3, c'est le retour du Jedi. Non, c'est le deuxième, mon dieu, c'est le meilleur de la série, c'est le deuxième. Quand ils vont attaquer le bunker pour détruire les défenses de l'étoile noire. Ouais. je vois la tête de François qui fait non. J'avoue que ça fait envie, enfin. Ouais. Non, ça fait pas envie, Dom. Mais non, t'as une map à la HeroQuest et encore banale. Avec des gens humains et un putain de gros robot qui fait 8 mètres de haut, quoi, comparé aux autres. Quand tu es fan de ce jeu... Est-ce que tu peux jouer à un Ewok ? Ouais, on peut jouer à un Ewok ! C'est génial. Non, faut arrêter. Bah, après, chaque... Encore l'autre qui ressemble à HeroQuest avec son truc innovant, je voulais bien. Mais aller te sortir un jeu Star Wars, autant faire le Monopoly, c'est bon. Faut voir. Mais après, tout dépend de la mécanique. Ouais, parce que là, pour l'instant, c'est FFG donc, qui est à fond dans les licences. Ouais, ils ont pris Games of Thrones et compagnie. Ils font des bons jeux. Ils sont pas chiés surtout, ouais. Ah oui, c'est clair. Bah, tant qu'ils ont les moyens de payer les licences, ils le font. Tu as joué au jeu Game of Thrones ? Non, mais je connais, je sais qu'il est bien. C'est vrai ? Absolument. Non, mais FFG, j'aime bien. Et je, on testera ça. Après, il faut aimer ce genre de jeu où tu as les, la carte qui, te, qui est révélée, les figurines, l'objectif, et pouvoir y aller. Le, j'en sais pas plus, hein, parce que moi, tout ce qui est ce type HeroQuest, à part dans mon enfance, quand je faisais vraiment des parties d'HeroQuest, j'étais à fond dedans, mais là, maintenant, j'ai évolué. mon type de jeu a évolué. Il faut un peu plus de challenge. Voilà, ouais. Bah, apparemment, c'est, ça va être un jeu qui va être basé sur l'univers, où tu auras également un joueur qui va jouer les troupes adverses. Normal. Et ouais, les ouais. autres... C'est bien ce concept HeroQuest qui refait son apparition comme ça. Bah, il a toujours été un peu là. Hein. Le souci, c'est de voir le, la thématique que tu lui mets, puis les petites mécaniques que tu mets autour. Quoi. Puis des ouais, super mais figurines. Je suis désolé, mais Star Wars, c'est bien, mais faut pas trop en abuser non plus. Quoi. T'as toujours des fans pour acheter. Mais je parle, on s'est plus arrêté à notre époque. Tu veux un jeu sérieux Sam, mon plateau ? Ouais. Ça coûterait cher un jeu sérieux, ça, m'adapter en plateau. Il faudrait des milliers de figurines en face. Un jeu Pokémon en plateau. Donc ça existe. Il y a ouais, mais sans carte. Ah. Chaud. Avec des vraies bestioles en pâte à modeler. Tu crées toi-même au four. Ouais. Pas de problème. Non, ça coûterait cher, très cher. Allez, je vous propose de faire une petite pause. On va attaquer le quiz musical proposé par Dominique. Ça va être du lourd. Est-ce qu'il y a un thème Oui, il y a un thème. Alors Il y a un thème que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps. Qui n'a aucun rapport avec 2015. Absolument non. Aucun rapport. J'essaye de trouver une façon de présenter le thème. Fais semblant qu'il y a un thème à deux. Alors Dominique a trouvé il n'y a pas longtemps, c'est il y a 5 minutes, je crois. Non. Dom adore les rebonds. J'aurais pu trouver le thème il y a 5 minutes. J'ai entendu une chanson, là. Je me dis, ça ferait un bon thème de quiz. Et je me dis, est-ce qu'il y a d'autres chansons qui ont le même mot? Enfin, c'est un mot, le même mot en rapport. Bitch. J'en ai trouvé des centaines. Donc, je pourrais faire le même quiz pendant tous les épisodes de la saison, si vous voulez. Et je trouverai suffisamment de chansons pour faire un quiz. Monday ? Non. Non, c'est déjà fait. Non, je crois que j'ai épuisé tous les Mondays. Les Five Mondays ? Le mot, c'est The. Donc, ça sera la surprise. Bon, oui, voilà. Allez, on fait une petite pause. Ne guidez pas, restez. Et on va écouter ce magnifique quiz. On se retrouve juste après. Et on continue cet épisode de l'Another Podcast, 39e épisode, et on vous souhaite encore une bonne année, de nos meilleurs voeux, une bonne santé. Et on attaque le quiz qui a été préparé par Dom, un quiz spécial 2015, parce que... Absolument pas. Quel est le thème de l'émission? Quel est le thème du quiz? En fait, voilà, comme d'habitude, quand on cherche une idée de quiz à la con, on entend un morceau de musique dans la rue, dans le métro, n'importe où, et ça ferait une bonne idée de quiz. Est-ce qu'il y a d'autres chansons qui ont un rapport avec cette chanson-là? Et la chanson que j'entendais parlait de maison. À un moment, il y avait maison dans le titre, etc. Je me dis, bon, il y a sûrement quelques autres chansons qui parlent de maison. J'en ai juste trouvé des centaines. Donc voilà, je suis capable de faire au moins 30 quiz sur le même thème. Sur la maison. C'est-à-dire que voilà, toutes les chansons qui ont passé ont un rapport avec, dans le titre en général. Dans le titre. Donc c'est pas comme oui, moi même... où c'est cité, où on citait Donkey Kong. Non, c'est pratiquement dans le titre, etc. Des fois, c'est en anglais. Enfin, à trouver. House. Ouais. On va voir de la série. Hein. In the middle of a street. On va commencer en beauté. C'est une maison bleue. Ça va, normal, c'est normal. Eh hey, putain, on va trouver des trucs là. Tapier, on ne frappe pas ceux qui vivent. Et oui, on est autour du feu là, c'est magnifique, c'est la fête. Encore faut-il sortir l'artiste maintenant. C'est pas Maxime. Le forestier avec sa maison dans la forêt. On est d'accord. Il y a beaucoup de chansons françaises. C'est bizarre. 5h du soir. Que vient foutre San Francisco là-bas? San Francisco. C'est le titre de la chanson. Mais alors pourquoi la maison bleue? Pour aller à San Francisco. Quand on ira à la Gen Con à San Francisco, on ira voir la maison bleue. La suivante. Si j'ai redécouvert des chansons. Vous viendrez. D'ailleurs, parole de Jacques Prévert. Ce n'est pas ma maison, je ne sais pas qui elle est. Je suis entré comme ça un jour. Marchand. Je pensais que ce quiz serait super marché. Rapide, mais vous avez du mal. Oui, mais et le pire, c'est qu'il est tellement connu que c'est difficile à trouver. Il est tellement vieux. Et non, mais. Il est tellement mort. Personne n'est venu. Je vois sa tête. Yves Montand. Oui. Yves Montand. Ok. Je ne connaissais même pas cette chanson. Bon, c'est un poème de Jacques Prévert là. Celle-là, j'étais obligé. J'aurais pu la mettre en fond, enfin. Non, peut-être pas. Dis, ça fait combien de temps que tu n'as pas de haut niveau, hein. Ah. Le top de la chanson c'est française. C'est le Claude. Le Claude-Claude. Le Claude-Claude. Et les Claudettes. Le Claude. Si tu as quelques chagrins, pour les oublier, tu as des chagrins, Renan. Et le titre. C'était le titre. Arrive. Une de ciel. Viens voir la terre, voir le soleil. Attends, ça arrive. Viens dans ma maison. Viens à la maison. Ouais. Y a le printemps. Bon, le printemps, c'est pas d'actualité. Chante. Il y a bien que le printemps qui chante. Hein. Tous les oiseaux t'attendent. Allez, on attaque les séries, là. Oh, les séries. Générique des séries. Dr. House. Non. Je m'en fous, je dirais ça toutes les non. séries. Dr. House. Laurent, il connaît. Non. Justin Bieber. J'ai l'impression de reconnaître la voix, mais... J'allais dire 7 à la maison, mais c'est pas ça. Hein. Mais c'est ça. Oh, oh putain. Il est fort. La honte. 7 à la maison. 7 à la maison. Actualité, d'ailleurs. Parce que celui qui joue le père dans la série, est accusé en ce moment de... Pas en prison, mais oui, c'est ça. Ouais, et on lui reproche d'avoir... Le prêtre, là. Faire quelques attouchements auprès de certaines jeunes filles. Bref. Bref. Bah, c'est un sujet qui ne nous regarde pas. Allez, un groupe que vous adorez tous. Je connaissais pas non plus, ça. Ah, maison, j'ai dérivé... Le titre, c'est l'appartement. On n'est plus dans les séries, là. Non, pas du tout. C'est Nine Inch Nails. C'est vrai que ça ressemble un peu, ouais. Oh non. Oh, c'est noir caca là. Attends, mon casque est... Ça grésille, hein. C'est... Pourtant, tu désires pas cette chanson, non? Alors? Tu peux remettre ton casque, François, s'il te plaît? François désire que ça s'arrête. Ouais. Il y a un bouton ici pour couper la musique. Donc c'était Noir Désir, l'appartement. Ah, une autre grande artiste française. Enfin, française, elle n'est pas française. D'adoption française. Je ne connaissais pas du tout cette chanson non plus. Ce long voyage est fini. Oh, c'est facile. Ça commence par un D, non? Eh oui, ça finit par un A. C'est au mieux, Ali. Et ça finit par un D aussi, ouais. Mohamed Ali. Mohamed Dalida. Et ouais, Dalida. C'est bien ça, l'homme. C'est hein. bien ça. Une reprise d'une chanson. Et la chanson qui s'appelle Les grilles de ma maison. Ah, les grilles de ma maison. La petite maison dans la prairie. Oh, ah, je suis obligé. 5 secondes. Oh, là, là, là, là. Ils sont taqués, les gens ici. C'est pas ça la musique de fin? Non, on s'en est plus. Non. Elle se pète la gueule. Elle se pète. Hop. Tu regardais le générique que pour ça, quoi. C'était génial. D'ailleurs, j'ai failli regarder les épisodes de La Petite Maison à la Prairie en VO. J'étais curieux de savoir ce que ça pourrait donner en VO. Ah, c'est Christophe. Morceau de violon, quoi. Il est allé aux États-Unis et il est allé sur les lieux de. Oh. Et j'ai vu que dernièrement... Je le laisse en entier, c'est le plaisir quand même. Les membres restants, hein, je dis bien restants, de La Petite Maison dans la Prairie ont fait une réunion à la télé, tous ensemble. C'était beau. Obligé. Ah oui. Je me demande si c'est pas la chanson qui m'a inspiré le plus d'ailleurs. Ah oui, c'est la version américaine. Ah mince. Porte du pénitentiaire. Parce que j'aurais pu faire un quiz rien qu'avec cette chanson, comme j'avais fait un quiz My Way. Ouais. Alors c'est pas la première version parce que c'est une chanson, on va dire, un peu traditionnelle. C'est pas les Stranglers, c'est ça. C'est pas les Stranglers. C'est l'une des premières versions. Sinon, je la connais par cœur. Et le groupe. C'est pas Creedence. Non. Tellement de monde l'a repris celle-là. C'est clair. C'est pas les Rolling Stones non plus. Ça c'est leur repris. Il y a un petit peu son. Mais... C'est quoi là cette version? Oh là là, c'est vieux. Dans les 60, hein. Ça commence par quelle lettre, Dom? Un A. C'est vert. Alphaville? Oh, peut-être qu'il nous repris. C'est honteux de pas trouver ça. Ouais, ouais. Oui, non, il y a tellement de monde qui l'a repris. Mais non, cette version, c'est la. Les Animals. Ah oui, c'est When clair. I wake up. On détourne un peu. On... Allez. Alors, maison et. Renault dans mon HLM. Dans mon HLM. Voilà. Tranquille. Non mais qu'est-ce que tu comprends pas dans le concept des 5 secondes? Le temps que tu parles avec Laurent, il y avait 5 secondes non, de passer. Non, non, ah, c'est vrai, même Dom. T'es en train de chanter When I wake up. J'aurais pu la mettre en musique. Attends, de attends, elle est bien celle-là. Mais en fait, Renaud, oui. Il a jamais su chanter. Mais c'est, on lui a jamais. Personne n'a jamais dit qu'il savait bien chanter. Ouais. Ah, on l'a dit qu'il faisait des beaux textes à l'époque, c'est tout. C'était sympa, et puis c'est facile à retenir, et puis ça se chante. Et... Mmh. C'est triste. Tu veux que je coupe? Pas du tout. Moi j'aime bien. Film. Enfin, bande originale de film. Faut avoir vu le film. Enfin, je l'ai pas vu, je le connais. C'est un groupe de musique quand même là-bas. Et c'est le, on va dire, le leader du groupe de musique qui a réalisé les films. Américain, film d'horreur un peu, très particulier. Marilyn Manson. Pas loin, on est dans le même genre. House of. Ah, triche pas. House of the Dead. On n'est pas loin, on n'est pas loin. La maison des mille corps. Non. Retrouvez-moi le nom du l'artiste. House of the 1000 corps. Comment s'appelle ce groupe? Pas le titre. Ça ressemble tellement à du Marilyn, c'est dur. Hein. Qu'est-ce qui ne ressemble pas à du Marilyn? Rob. Rod Stewart. À chaque fois, tu me chauffes, moi. Rob Zombie. Rob Zombie. Rob ouais, Zombie. Bah, ouais, bah. Si Greg nous écoute, ah, bah, il est en train de rager. Il a réalisé quelques films comme ça. Voyons, on était dans les films. On va passer dans... Ah, oh, celle-là, elle est géniale. Mais c'était pas la musique de fin. J'aurais tellement pu la mettre en musique de fin. J'ai hésité. Hein. Our house in the middle of our street. Quel groupe? Écoute-moi ça. Et c'est pas la musique de fin. Non. C'est énorme. Voilà, qu'est-ce qui se passe quand un groupe de... Alors je serais pas de retrouver le titre. Apprends à jouer de la musique. Le titre c'est Our House, mais le groupe. C'est pas Haha. Non. C'est pas un nom comme ça qui se répète. Non. Laurent est riche. Hein. Ah, de toute façon, je vais pas le dire, mais je connais pas. Oh. Elle est connue cette chanson, c'est incroyable. C'est faux que tu trouves. Je me suis frappé pour pas le mettre en musique de fin. Mais... Première lettre. Ouais. M. La folie. Madness. Eh oui, Madness. Ah oui, oui. Oh, t'as pas besoin de l'indice là. Bah non. Pourtant, la voix était pas si nasillarde que ça, quoi. Eh, vraiment, c'est un excellent morceau. Et voilà, c'était la fin de. Non. J'aurais essayé. Oh non, vous n'allez pas échapper au morceau de fin. Non, vous n'avez aucune chance d'y échapper. Bon, allez. Je sais pas comment l'appeler celle-là. Comment caractériser cette personne? L'artiste. International. Dans la maison ah oui. Des chansons. Ah c'est. Oh là oh, franchement. Putain. C'est Edith. Non. Ah bien joué. Il a dit c'est Edith. Non. Mais c'est oui. la petite clone d'Edith. Ça fait dire. Un rebond. Oui, c'est elle est hyper connue. Enfin, Marion Cotillard. Non, au Japon, c'est une ouais, star. C'est bien Marion Cotillard. C'est ça Non, pas du tout. Bah, je me disais aussi, ouais. Marion Cotillard a joué Edith. Je vais faire une séquence artiste français là. C'est pas. Laurent Dizaz. Non, c'est une. Double initiale. Gigi ? C'est toi, Gigi ? C'est toi là-bas dans le noir. L'initiale de son prénom, c'est la même chose que l'initiale de. D'ailleurs, son nom est un prénom. Mireille Mathieu. Voilà, oui. Putain. Quand même. Mais tu pouvais pas partir sur la coupe de cheveux plutôt. Alors nous avons eu la chanson de la maison de mes chansons. Maintenant nous avons la chanson, la maison où j'ai grandi. Quand je me tourne vers mes souvenirs, je revois la maison où j'ai grandi. C'est trop speed pour moi. C'est la mère d'un artiste qui passe très souvent dans les couilles. Non. Pardon, c'est la mère de. La mère d'un artiste qui passe très souvent dans les quiz. Bah oui, c'est la mère François de Thomas Zardy. Dutronc. Voilà, c'est la mère de Thomas Dutronc. Je dis pas de bêtises, hein. Non, je me trompe pas. France Gall ? Non, François Hardy. Ça fait juste trois fois que je le dis, quoi. C'est pas François Hardy ? T'es sûr que c'est pas François Hardy ? Thomas Dutronc devrait reprendre cette chanson au casio. Mais sinon, on est sûr que c'est François Hardy ? Allez, le retour. Deux fois. Je crois que c'est la première fois qu'il passe deux fois. Qu'un artiste passe deux fois dans un quiz. Oh. Bon, maison. J'ai un peu détourné. Ah non. Ok. Ça parle pas de maison, mais bon. Si j'avais une maison. Attends, pourquoi c'est pas, ça n'a pas de rapport avec maison ? Oh, il parle pas de maison. Mais bon, il construit. Parle de sa grange. Bon, il bâtit une ferme. C'est pas loin. Je ne peux plus m'en empêcher. Puis un quiz où il n'y a pas Clo-Clo. Alors là, il est deux fois. Alors, je sais pas ce qu'il vous faut. Est-ce que je reste dans les artistes français ? Non, je vais faire une petite série en fait. Oh. Série télé américaine. Bon, si vous avez pas vu, c'est sûr. Ça, je connais. Il y a House dans le titre. Bon. House of Cards. Voilà. Ah oui. Ouais, c'est déjà passé dans mon quiz, ça. Absolument bien vu. C'est énorme cette série. Ah, je suis content d'avoir trouvé quelque chose. Je l'ai pas vu. Elle est bien celle-là. Ça parle de quoi ? C'est la diplomatie, la stratégie à la Maison Blanche. Oui, c'est ça. C'est un homme. Enfin, c'est un homme politique américain qui commence, enfin, peut-être pas au bas de l'échelle, mais qui fait tout. Mais tout. Qui joue les bonnes cartes. Pour devenir président des États-Unis, quoi. Pour monter dans les échelons. Au début, c'est pas forcément être le président, c'est plutôt influencer pour avoir les mêmes actions que le président pourrait avoir. Il est prêt à tout. Et sa femme est prête à tout aussi. Brums, pardon, un réflexe. Allez, un petit coup de cinéma pour changer. Bon, il n'y a pas House dans le titre. Il n'y a pas maison. Mais j'étais obligé de le mettre. Quand on parle de cinéma et de maison, il y a un film qui vient. Mais la bête. Maison. E.T. Ah, vous êtes nuls. T'aurais pas pu laisser le thème. Ouais, t'as attendu un peu, on l'avait quoi. Voilà, ouais, tu parles. Bah si là, ouais, quand même. Dom, fait pas durer le suspense. Bon, l'émission fait déjà 4 heures, alors ça va. Tu pourrais pas présenter Money Drop par exemple. Une morflore et les candidats. Vous saurez le titre de ce quiz après la pub. J'aurais pu mettre ça en plus on en a déjà mis du en musique de fin. Oui. Tu reconnais déjà là ? Bravo. Non, c'est le. Ah, les petits oiseaux qui chantent. Non, pas les petits oiseaux que je reconnais. Ah bon. Les fans qui pètent au bout du. C'est une intro à la trompette vraiment bizarre, mais très simple. Et là, tu reconnais. Enfin, ceux qui connaissent, reconnaissent. La maison près de la fontaine. J'aurais pu la mettre en musique de fin aussi. Mais j'ai mieux. Exact. Ah, j'ai mieux. Comme musique de fin, j'ai mieux. Il est déjà passé en musique de fin. Tu l'avais mis, François. Oh merde. l'obscurité. L'automne. Et là, on avait le printemps, l'automne. L'enfance. En fait, c'est un quiz saison, mais camouflé, ah, quoi. On pourrait. L'éternité. Tu trouves, François? Je sèche. Autour, il y a bien, en plus. Et j'ai pas mis ça en musique de fin. Nino. Nino Ferrer. Nino Ferrer, pas Ferrer. Moi, ouais, comment Ferrer, ça va pas. Bon, là, quand on dit maison, house, on parle aussi de house music. Alors, j'ai trouvé un vieux morceau de house music. Eh oui. Bon, vous ne trouverez pas le groupe, c'est impossible. C'était pour le principe de mettre de la house dans un quiz sur les maisons. Normal. Babylon Zoo. Mais vous êtes où? Il y a un peu de ça. Oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de remix. Vous êtes fous? Oui, vous êtes sur la radio Bella Fonte, ouais. Non, on va s'éclater ce soir, on va revoir tous les titres de 2015. On ne se drogue pas. Non, le groupe c'était Hit House. Alors le titre, attention, Jack to the Sound of the Underground. Il y en a tellement. Oh, on fera peut-être un quiz Hit House un petit jour. Là déjà t'as reconnu. Patrick Bruel. Oh, il est malade. Il est malade. Et puis il est grand aussi, non ? Parler d'un endroit remarquable, absolument épatant, un lieu extraordinaire qui existe depuis longtemps. C'est ma maison. C'est ta connerie. Mais il renferme bien des mystères. Ce lieu mystique s'appelle l'appartement de célibataire. L'appartement de célibataire. Le célibataire masculin, c'est quand même celui que je connais le mieux. C'est un peu toujours le même, qu'il soit jeune ou qu'il soit vieux. Quel compteur. C'est le fils de Pierre Belmar. L'appartement est là. Il suffit d'ouvrir la porte. 195. Qu'on remarque tout de suite, sans être un enquêteur, que le sol mériterait c'est pas du bonheur, un bon coup d'aspirateur. C'est pas vraiment que c'est sale, mais faut avouer que sous nos pieds, quand on marche, on a l'impression d'avancer sur du gravier. Oh, pied gravier. Il y a un message derrière. On croit toujours qu'il vient de faire son déménagement. Bon, il me reste deux morceaux. Il y a pas de rideau, bon, un forcément, vous le connaissez déjà. Ouais, faut quand même donner le nom de l'artiste. Y a personne qui sait qui a créé la série. Ah ouais. Non. Enfin, le générique de la série. Oh, c'est un groupe tellement connu. C'est un groupe tellement connu. Donc c'est bien le générique d'une série. Avec t'entends pas le popo. Popo House, mais qui l'a fait? Qui a fait le générique de qui a fait le générique de Dirt House? Le morceau c'est Teardrop. Non, ça, il va faire un Game mash-up. Of Thrones. Il va faire un mash-up. Non, mais on sait pas. Winter is coming. Pourtant, c'était... Il est c'était connu. Tellement connu. Ah, le groupe, oui. Ah, oui. Je devrais dire plutôt Scab de l'histoire. Le morceau était connu avant la série. Pas loin. On est dans la même galaxie, quoi. Morshiba. Tu vas finir par trouver à force de dire n'importe quoi. Toshiba. Pas n'importe quoi. Non, mais justement. Pas Björk. C'est pas loin. Alanis Morissette. Non, je vois trop bien. Oh là là. Comment on fait des amis ici? Non, ça va. C'était pas encore fâché avec quelqu'un. Il y a plus rien. Non, Alanis Morissette, ça va. Arcade Fire, je sais pas. Massive Attack. Eh oui. Ah, j'aurais pas sorti. Bon, ben on va carrément. Allez, on va finir en beauté, mais je vous raconte même pas. Ouh, c'est la fin. C'est le dernier. Et c'est le plaisir de le passer au dernier. Est-ce que Professeur Choron a fait une chanson sur la maison? Ah, on n'est pas là. Une chanson sur la maison. Une chanson sur la maison. Francis, faut y aller, Francis. Allez, Gilou. Il vient d'enlever son casque et il se barre, quoi. Quel enfoiré. Allez, viens voir tes cours. Un bon quiz de nouvel an, ça. Oh putain. Par contre, je serais pas trop trouvé l'artiste, moi. Oh là, non. C'est gros, c'est GG. Non, c'est... non, ça doit être un truc genre, je sais pas, Félicien ou... Un vieux prénom tout moisi. Non, c'est pas un prénom, c'est un groupe. Ah merde. Avec Gilou, accordéon. Gilou et son accordéon. Licence 4. Puissance. Ah oui. Ah ouais. Putain. Licence 4. Non, licence 4. Justement, t'es licencieux. C'est pas beau ça. C'est un thème qui colle bien à l'émission, bizarrement. Il manque un peu de saucisson. Voilà, c'était la fin de ce 39e épisode de l'Another Podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour le 40e épisode avec du jeu vidéo, des news insolites. Et du rouge et du saucisson. À la semaine prochaine, ciao. Salut. J'arrive pas à être une suite à cette histoire. Y'a pas le vent, y'a pas le temps, s'il y a pas les copains. Allez, viens boire des coups à la maison. Y'a du blanc, y'a du rouge, du saucisson. Des gilous avec son petit accordéon. Serait bien terminé si nos bonnes femmes n'étaient pas rentrées. Elles nous ont mis le perdreau sous clé. Elles ont gueulé plus fort que nous et on s'est fait virer.